Thank you. take me out on my highway. Drive aimlessly out on my highway. Is melting my fears and angst away. The night might be coming, still hoping for a wouldn't surrender. Hey, baby, have a little faith in me. They say the time. Hey, baby, have a little faith in me. Why don't you have a little faith now, baby? Hey. Oh, oh. They say the time. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci d'être fidèles au rendez-vous depuis bientôt 16 ans, hein, dans l'émission Mavrica, tous les vendredis soirs à partir de 19h. On est ensemble pour 3 heures de musique. Hein. Ça a déjà commencé parce que le temps que nous, on se prépare, qu'on se mette en place et tout ça. Ben, pourquoi? Parce que dans l'émission Mavrica, il y a des invités. Et puis moi, c'est pareil. Derrière ma nuit, j'ai pas mal de choses à vous proposer. Parce que chaque semaine, je reçois des morceaux à vous diffuser. Donc, on a commencé cette émission avec des morceaux que vous connaissez déjà si vous écoutez l'émission Mavrica régulièrement. On a écouté Custom, un groupe qui a déjà participé à Mavrica Live, et le titre qu'on a écouté, c'est Bad Day. Juste après, c'était Grande Day, j'ai cherché, je ne retrouve plus du tout sur les réseaux sociaux, donc peut-être un groupe qui n'existe plus, je ne sais pas exactement. Enfin, si vous avez des news, n'hésitez pas à me les donner. On a écouté un morceau qui s'appelle Highway. Juste après le petit jingle de l'émission Mavrica, vous avez pu reconnaître la superbe voix de la chanteuse des Bell Rays, donc ce groupe de Los Angeles, ce groupe californien dont nous avons reçu le batteur il y a quelques temps, c'était Craig Water. On avait passé un bon moment avec lui, et puis il est encore dans la région, je l'ai aperçu, on l'aperçoit assez souvent lors de concerts, et c'était le cas samedi dernier. Et à l'instant, c'était The Wilds, un groupe qu'on a reçu dans l'émission Mavrica il y a 15 jours. Ils étaient en concert le lendemain au Drug Kick à Orléans. The Wilds avec leur tube, hein, That Girl Is Killing Me. Voilà pour le début de cette émission. Alors, toutes les semaines, nous avons des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Dernièrement, on est bien gâtés parce qu'à chaque fois, il y a du live. La semaine dernière, c'était Peter Crazy Cash qui nous a fait des lives phénoménales. On a passé un temps, on a passé une émission super bien. On n'a pas vu le temps passer. Voilà, j'ai fait une contraction. Voilà, qu'on arrive à la fin de 3 heures d'émission. Ça paraît long comme ça, qu'on arrive à la fin de 3 heures d'émission et on a envie de durer encore. Bah, ça sera l'occasion justement de recevoir très prochainement à nouveau Peter. Il fait partie de la Mavrica Family. Il revient comme quand il veut. Il n'y a pas de souci. C'est le cas du groupe que nous allons recevoir ce soir. Ils sont déjà venus. Ils reviennent parce qu'il y a de l'activité. Et je vous le dirai après. La semaine prochaine, ça sera le 12 décembre. Nous recevrons ici un habitué aussi, une personne qui vient assez régulièrement. C'est toujours pour notre plus grand plaisir. C'est Alex Levaille. Voilà pour cette émission numéro 664. Aujourd'hui, donc, nous recevrons le groupe Twister Cover. Avant de retrouver donc nos invités, ben je vais vous réveiller un petit peu parce que le vendredi soir des fois on est un petit peu fatigué. Je vais vous passer un petit coup de Corrosive System. Voilà, ça s'appelle À coup de Watt, c'est tout nouveau, ça vient de sortir et je vous le diffuse pour la première fois dans l'émission Mavrica. Voilà, ça va vous réveiller, vous allez être en pleine forme juste après ça. Le groupe Corrosive System qui est déjà venu dans nos studios. Voilà, ça c'est la petite musique qui nous dit qu'on va dans le studio juste après le grand réveil, un Corrosive System avec un coup de watt. Donc c'est un peu ce qui va se passer ce soir parce qu'il y aura des watts. Et ce soir nous recevons un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques temps. Là il y a de l'actualité, donc il y a un nouvel album. On va le retrouver, c'est l'émission numéro 664. D'ailleurs dans deux émissions, ça sera la 666. Alors au début tout le monde se battait pour venir à cette émission-là et du coup j'ai personne. Donc bon, on va caler quelqu'un, vous inquiétez pas. Mais s'il y a des gens qui veulent vraiment se réserver ce numéro-là, 666, donc c'est quand même important. Ça sera dans deux semaines, donc juste après l'émission d'Alex Le Bail. Ça devrait arriver peu avant Noël, juste avant Noël. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités, puisqu'ils sont déjà là, ils sont installés, le temps qu'on passe un petit peu de musique. Bonsoir les Twister Cover. Salut Albino, salut. Bonsoir. Hello. Vous allez bien? Ah oui, très bien. Ah bah super, je suis content de vous recevoir parce que ça fait un petit moment que vous deviez venir et puis finalement ça s'est pas fait tout ça. Et donc Gwen m'a contacté en me disant voilà, on est prêt, on va venir dans l'émission pour présenter notre nouvel album. Et en plus ce soir vous avez amené des instruments pour interpréter les morceaux en direct live, donc c'est super. Voilà, donc on va essayer. Ah, ça va le faire. Ouais. Le groupe Twister Cover, pour ceux qui les connaissent pas encore, vous savez que les meilleurs artistes de la région viennent dans l'émission Mavrika. Donc ils ont plus à fait leur place déjà depuis pas mal de temps, ils font partie de la Mavrika Family. Et De la région, moi je dirais du département. Du département. Oui, oui, oui. Moi je le disais plutôt dans l'autre sens, hein, c'était dans le monde, l'univers, voire l'univers. Ah, voilà. Okay. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que justement... quand on parle des Twister Cover, bah les gens vous connaissent quand même assez bien. Hein. Vous êtes quand même un groupe assez connu dans la région, du moins. Hein, avec oui, les gens ça fait un petit moment qu'on joue. Ouais. Voilà. Donc on va représenter les membres. Alors je vous avais dit qu'il y a Gwen qui est là, qui nous a contacté. Alors lui, il joue de la batterie. Hein, c'est ça. Hein. C'est ça, tout à fait. T'as pas changé d'instrument depuis, la batterie. Non, je me suis remis au banjo récemment. D'accord. C'est pas facile à jouer. Oui, j'imagine. Voilà. Et puis au chant aussi. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc après, bon, ils sont au nombre de trois. À un moment, ils étaient plus nombreux. On pourra peut-être en parler un peu. À la guitare, c'est Gérard. Oui, c'est exact. C'est exact, c'est bien ça, je me suis pas trompé. Non. Je me souviens encore bien des prénoms. Hein. C'est vrai que moi, je connais beaucoup de groupes comme ça. Et des fois, moi, j'essaie de retenir au moins les prénoms pour pouvoir... parce que des fois, on se rend compte. D'ailleurs, Gérard, je t'ai vu la semaine dernière. Je t'ai aperçu de loin, on s'est pas salué. Mais tu étais venu voir le concert de James Legge. Oui, exact. Voilà. Ça t'a plu, ça t'envoie. Ah, c'était génial. Ça envoie. Hein. Ah, oui, c'était excellent. Il a une voix particulière et tout ça. Ouais, et, ouais. En première partie aussi, The Lucky Go Lucky Band. Happy Go Lucky Band, voilà. Ouais. Très très très bon groupe hein, que j'ai eu l'occasion de voir. D'ailleurs, ils vont pas tarder à venir dans l'émission Mavrika. Bon, bah oui, prometteur. Hein. Ouais, prometteur. Et en plus, ils ont un style bien particulier, et bien américain. Moi, je trouve, ils vont nous faire voyager. Et la troisième personne, c'est Nico, qui est le bassiste du groupe Twister Cover. Ça va, oui. Nico? Eh oui, ça va, très bien. Ouais. Oui, oui, la basse. Oui. La basse, toujours. Donc, bah voilà, vous êtes au nombre de trois. Et justement, il y a eu un petit couac, c'est que moi, j'ai envoyé, moi, régulièrement, toutes les semaines, j'envoie un peu un message donc à Georges, qui est au Portugal. Hein, et c'est notre webmaster qui fait le site de Radio Arc-en-Ciel. Et lui, il a publié une photo où ils vous étaient quatre. J'ai dit, il y a une erreur, ils sont plus que trois. Donc, il a rectifié tout à l'heure. Donc, voilà, ça n'a pas été partagé très longtemps, parce que à un moment effectivement vous avez 4, même voire 5, je crois, hein. C'est ça. Oui, ouais, mais bon, c'est la vie des groupes, hein. Le guitariste qui était avec nous à l'époque, bon, nous a quitté, il avait envie de faire autre chose, mm-hmm. et tout ça. Donc à un moment on s'est dit on a cherché un peu des musiciens, mais on n'a pas trouvé. En plus, c'est pas évident, tu vois. Faut que humainement ça colle, voilà, musicalement ouais. ça colle. Du coup, bah, on s'est dit allez, on continue à 3. Voilà, puis on est très bien tous les trois. Et c'est pas plus mal, hein, ça fonctionne bien. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est, dans un groupe, 3, c'est le minimum, on dira, pour une formation standard. Quand il y a un deuxième guitariste, ça aide. Ah bah c'est sûr, on fait des arrangements. Ouais, voilà. C'est ça, il y a des arrangements et tout ça. Il a fallu un peu de boulot pour réadapter un peu nos anciens morceaux. Ça nous a stimulés, motivés pour en écrire des nouveaux aussi. On en a écrit quand même pas mal, hein, depuis qu'on est 3. Je crois que ça a pas coïncidé avec le confinement, tout ça, là. C'était pas cette période-là. Si, bah, le confinement, hein, comme tout le monde, hein, chacun chez soi. Ouais, bah ouais, on n'avait pas le choix. Du coup, Gwen, il m'appelle, il me dit, bon, bah, GG, on va pas rester comme ça, tu vois. Donc, j'ai commandé du matériel, de la carte son, machin, téléchargé un logiciel de studio. D'accord. Et puis, tous les jours, je m'y mettais l'après-midi. En fait, on a travaillé, on a composé à distance, on a même enregistré à distance. Voilà. Mm-hmm. À force de tous les jours de chercher des trucs, on finit par trouver. Ouais, voilà, force. Quand t'as que ça à faire, tu vois. Et donc on a des nouveaux morceaux. Il y en a encore qui sont dans des cartons qui n'ont pas été exploités. Mais voilà quoi. On a de l'avance quoi. D'accord, donc vous avez eu des idées pour faire des nouveaux morceaux, oui. Donc vous avez composé des nouveaux morceaux. Oui. Alors on rappelle un petit peu comment vous faites pour composer des morceaux. C'est d'abord la musique, d'abord les textes. Moi j'en amène qu'une poignée, on va dire. Moi je compose mélodie, guitare en même temps en fait. D'accord. Enfin, mm-hmm. Je trouve une mélodie, un bout de mélodie. Et puis après, avec les accords, tout ça, et puis ça s'imbrique dans mon cerveau. D'accord. Et puis du coup, après... Nous, on met notre petite graine. J'envoie ça à Gwen. Et puis Gwen, ça le stimule aussi. Il trouve des arrangements, il trouve une autre... Des trucs que moi, je trouverais pas. Toi, nous deux, on arrive à... Mm-hmm. À composer des vous hits, êtes complémentaires. Voilà, on est complémentaires. Ouais, ouais, voilà. Voilà, puis on a aménagé un petit mini studio chez moi à la maison. D'accord. Donc ça aide quand même pas mal. Et puis voilà, on habite les uns les autres pas si loin. Ouais. On se retrouve régulièrement. J'arrive et puis je fous un peu le bordel. Voilà. il vient avec sa grosse basse et puis voilà, il structure un peu le truc. Il invente 2-3 trucs et puis voilà. On fait un petit mix. Vous répétez tous les combien? Toutes les semaines? Toutes les semaines. Le lundi. Le lundi, d'accord. Très bien, parce qu'il y en a souvent, c'est le vendredi soir, et ouais. C'est embêtant, parce qu'ils ne peuvent pas écouter l'émission Mavrika, et ça, heureusement qu'il y a le podcast. Ouais. puis vendredi soir, c'est l'apéro. Peut-être que des fois, les répètes... donc, d'où l'importance des podcasts, on va répéter à nouveau. C'est notre ami Florent qui nous a déjà envoyé un message en début d'émission, disant, voilà, aujourd'hui, tu peux dépasser, je suis à la maison, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas dépasser les horaires, parce que sinon, il n'enregistre pas l'intégralité de l'émission. Souvent qu'on dépasse, c'est quelques minutes, donc c'est pas bien grave. En tout cas, on remercie Florent de faire les podcasts, donc vous pouvez écouter l'émission si vous l'avez loupée, la réécouter si vous a plu, et aussi la télécharger pour garder les morceaux, surtout les morceaux en live. Quand il y a du live comme ça, je garde toutes les émissions, comme ça on peut rediffuser dans les prochaines émissions les morceaux enregistrés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Collector, ouais, on est les seuls à les avoir. Voilà. Très bien. Un nouvel album qui est sorti. Donc il est sorti déjà depuis un petit moment, non? Ou comment ça se passe? Alors, voilà. En fait, l'album il a été enregistré en 2024. D'accord. Ouais. Et on devait faire un concert chez Défi là au patio, donc pour la sortie, voilà un an. Mmh. Il y a un de nos membres qui a eu des problèmes de santé. Ouais. C'est moi. Donc, c'est Nico. Notre bassiste qui a eu des problèmes de santé. Et donc, il a fallu qu'il se retape, qu'il se remette sur pied. Bah oui. Donc, du coup, alors, ça nous a pas empêché de répéter, hein. Il a pas été. On a pas arrêté, quand même. Voilà. Bon, il y a eu 3 mois. Il y a eu 2-3 mois quand j'étais. 2-3 mois de. Pour la licence. Voilà. Après une opération. Et après, on a répété, voilà. Mais quoi. Sinon, tout le reste du temps, on a. Enfin, moi, je pouvais pas rester trop debout, en fait. C'était ça l'histoire. Donc, on répétait assis dans la pièce. Voilà. Chez Wayne, là, on a 2 endroits pour répéter. Ouais. C'est la polysonique. Bah oui. Alors, situation au concert, on va dire. Et puis, plus tranquillement en studio, on va dire, chez Gwen. Donc on a jamais arrêté, sauf après mon opération de la hanche, hein, voilà. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, donc voilà. Je sais que, en tout cas, vous aviez déjà réservé une date, et finalement, ça s'est annulé. Et puis, j'attendais que vous me recontactiez pour venir. Donc, ça a mis un certain temps quand même, mais vous êtes là, donc ça fait plaisir. Alors, cet album que vous avez sorti donc en 2024, la sortie officielle, elle a été faite quand ? Elle a été faite au mois de novembre. Là, ouais. Récemment. Récemment. Ah oui, du coup, on l'a pas sorti, du coup. Du coup, vous l'avez pas sorti. Il était là dans la boîte, mais. On l'a gardé secret. Ouais. Voilà. On l'a gardé secret, personne l'a écouté. Pourtant, moi, il y a des morceaux que je diffuse déjà depuis un petit moment, hein. Oui, alors, il y a quelques titres qu'on a mis sur l'album pour jouer déjà, mais qu'on n'avait pas enregistré, en fait. Ouais. Et, puis du coup, on a fait la sortie de l'album, et puis notre sortie à nous, après un an de convalescence. Ouais, au patio, là, avec des filles. Donc maintenant Nico il est tout neuf et là c'est reparti pour 10 ans là. Voilà. Impeccable. Et, en titane. Ouais. D'accord, donc c'est l'homme bionique. Voilà, de... C'est un homme augmenté. Augmenté, voilà, on va dire ça comme ça. Il y en a, au niveau de l'intelligence, ils ont besoin d'intelligence artificielle. Il y en a d'autres, c'est plutôt au niveau mécanique. Donc, une hanche ou un poignet ou coude ou une épaule, ouais. C'est comme ça. Ça, Nico, l'intelligence, c'est resté, ça va, c'est resté la même. Malgré un petit pépin. Ouais. Alors, je trouve qu'il joue mieux de la basse maintenant. Ouais. Ah, d'accord. Parce que j'ai eu un petit pépin aussi à la tête. C'est pour ça que ça a très bien. Ce n'est pas une émission médicale. Voilà, c'est ça. Il y a eu un contrôle technique. C'est vrai que dans l'émission, on parle de plein de choses, mais c'est vrai qu'au point de vue médical, on n'est pas très, très fort là-dessus. Donc, faudrait peut-être développer un peu plus. Peut-être inviter un médecin, je sais pas. J'ai aussi notre ami Didier qui est là. Ça va, Didier? Bah écoute, depuis hier après-midi, cher parrain, ça va. T'as fait la deuxième émission, donc Didier a son émission maintenant, de 14h à 16h, donc Didier & Co. Ah, yes. Et donc on a fait la première émission il y a 15 jours et la deuxième émission hier. Tout à fait. Quoi, 15 jours, non, une semaine et un jour. Monsieur le directeur m'a validé hier, donc. La semaine prochaine, t'auras à nouveau un invité. Tu seras là quand même. Ouais, je vais. Ouais, mais après tu vas te débrouiller, bien quand même. Voilà. Je traverserai la route tout seul, t'inquiète. Très bien. Donc on va découvrir ensemble cet album qui s'appelle 3. Alors pourquoi 3 ? Parce que c'est le troisième. Troisième album. Voilà, et puis on est plus que 3. Ouais, aussi, ouais. Mais on aime bien les idées simples, en fait. Hein, donc voilà. C'est assez simple. Hein, mais par contre, j'ai vu, il y a plusieurs albums. Vous en avez fait 3. Il y a des EP aussi, non ? Oui. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a plus que ça. Moi, j'ai vu plusieurs couvertures déjà. Oui, il y a des EP. Là, c'est un vrai album avec 10 morceaux dedans. C'est ça. On a tout fait nous-mêmes. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est le titre d'un morceau, parce que tu me l'as dit, All Made by Myself, tout fait par moi-même. Donc, c'est un titre que je passe assez régulièrement, avec Falling Rain aussi, que vous allez interpréter tout à l'heure en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, 3, ça tombe bien, parce que c'est mon chiffre préféré aussi. Et je suis pas le seul, hein. J'ai vu, autour de moi, il y a pas mal de gens. Le 3, c'est peut-être votre chiffre préféré aussi, non? 3, moi, ça fait partie de ma grille de l'auto, habituelle, hebdomadaire. C'est mon jour de naissance. Alors, moi, je sais que c'est mon chiffre préféré, mais j'ai jamais eu de chance, hein. Donc, il faut peut-être l'éviter, celui-là, pour les grilles de l'auto. Je sais pas du tout. Très bien, donc 3, il a été enregistré où cet album ? 3. Sur un cheval, ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Non, on a enregistré au studio Polysonic. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose ce studio-là. À Orléans, ouais. Voilà. Bah, ouais. En fait, j'y travaille. Bah oui, c'est pour ça. Donc voilà. Donc c'était c'est un des avantages du salariat Polysonic, mm-hmm. c'est qu'on peut de temps en temps on peut utiliser notre petit studio. Et bah, du coup, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Et puis on a pris le temps en fait. Hein. Voilà, on a pas de session quoi. En fait. Ouais, on n'a pas tout enregistré live. Mm-hmm. On a commencé par la batterie, on a enregistré la basse derrière, puis les guitares, les arrangements, les chœurs, les voix, quelques petits instruments supplémentaires aussi. Et puis voilà quoi, c'est un peu du luxe hein, de prendre le temps, c'est cool. Ah oui, c'est sûr, hein, parce voilà. que c'est vrai que... C'est primordial. À une époque, les studios coûtaient horriblement cher. Exactement. Si on remonte dans les années 70, des heures de studio, c'était, bah, il y en avait pas partout. Et aujourd'hui, on a quand même, voilà, à la maison, les petits studios. Ça s'est démocratisé. Il y en a plusieurs. Hein. C'est vrai que régulièrement, on les cite ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On parle aussi des endroits où les musiciens peuvent enregistrer. Donc, on cite certains studios comme ça. Et il y en a pas mal, ce qui fait qu'on réduit un petit peu. Mais, n'empêche que quand on va dans un studio professionnel, il faut quand même payer les heures, on est un peu stressé, tout ça, c'est pas toujours évident. Après, quand vous avez le luxe d'avoir un studio à disposition et de pouvoir en profiter comme vous voulez, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Et puis il faut dire que c'est Gwen qui l'a mixé aussi, hein, quand même, faut le dire. Hein. Bah oui, parce que en plus, comme il travaille là-bas, il connaît le matériel. Donc... Ouais, il donne des cours de temps en temps. Ah, aussi non. Ah, si, j'y étais, si, dis pas ça. Ouais, bon, j'ai fait ça avec mes modestes compétences. Mais effectivement, c'est le luxe qu'on a eu, c'est le temps. On a misé là-dessus. En fait, on s'est dit voilà, on n'a pas vraiment de deadline pour sortir le disque. On prend notre temps. Et par contre, voilà, on aurait très bien pu aussi miser sur un studio extérieur avec quelqu'un de l'extérieur qui nous enregistre, qui peut nous apporter aussi une oreille extérieure. Voilà, c'est ça aussi. Ça, c'est aussi, c'est aussi un atout. Ce qu'on a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Ouais. Mm-hmm. Et voilà, donc on s'est dit. Il y a certains artistes aussi qui aiment bien changer de studio des fois parce que justement, tel studio qui sont adaptés plus à un style de son. Puis des fois, après, ils vont voir d'autres ingénieurs qui amènent autre chose, etc. Donc, et puis ça permet aussi d'avoir un son par album. Donc, il y a certains groupes qui s'amusent à faire ça. Même des groupes très importants. Et donc, vous, ça aurait pu être votre cas, mais là, vous avez décidé de le faire vous-même. On donc, a testé. Celui-là, c'est comme ça. Oui, c'est bien. Et on a vraiment pris le temps parce que je pense que ça a pris. Entre deux bières. En fait, entre la première prise, ça a été ma batterie. Et le mixage final, ça a bien duré plus d'un an, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. Quand t'as pas le stress du temps, tout ça. Voilà. Donc, c'est quand même agréable. Il n'y a pas à tortiller. Bon, après, c'est une autre façon de faire. Hein, c'est quand, j'ai une petite question. Quand vous passez comme ça du temps sur un titre, sur une piste, vous n'avez pas tendance à en avoir marre. Non, mais surtout de dire ah, ben c'était bon, puis le lendemain matin ou trois jours après, on réécoute. Ça arrive. On est content de ce qu'on a fait, puis après, on réécoute. Mais justement, c'est ça le secret, c'est qu'il ne faut pas réécouter. Voilà, il faut se laisser un peu de temps, des fois, une semaine, 15 jours, 3 semaines, sans y penser et en écoutant. Moi, je fais ça avec les bouteilles de vin. Mais bon, une fois, tu attends des fois des années avant de les ouvrir. Puis quand je l'ouvre, je regoute 3 jours après, tu vois. Je crois qu'elle est bien aérée et tout. Et des fois, il y a des bonnes surprises, donc elles ont bien vieilli. Et puis des fois, c'est du vinaigre. Et puis on se dit, bon, bah là, j'étais à côté, c'est pas bon. Très bien. Voilà, donc pratiquement un an pour enregistrer cet album-là. Et puis donc maintenant, vous allez le défendre, vous allez faire des concerts. Est-ce qu'il y a des concerts justement de prévus pour les Twister Covers dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors, on a 2 dates prévues en 2026. Je t'avoue qu'on se précipite pas trop pour faire des recherches de dates. Voilà. C'est quoi, c'est en juin hein? On prend notre temps. Bah, là, on a déjà fait 3 concerts assez rapprochés, là, ces derniers temps. Oui, il y en avait un la semaine dernière, là, il me semble. Non Non, c'était pas la semaine dernière. On a joué au Dropkick, là. Voilà. Ouais, c'est sûr, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, peut-être. Le temps passe vite. C'est vrai que j'avais vu passer le truc. J'ai vu certaines vidéos qui avaient été partagées. Voilà. Sinon, il y avait des gens. Bah, heureusement, il y a des copains comme ça qui réseau qui enregistrent aussi et qu'on n'a pas la possibilité d'y aller. Au moins, on sait ce qui se passe un petit peu dans les salles de concert orléanaises. Et donc, ça s'est bien passé. Votre son a été bien accueilli. Oui, ça s'est bien passé. Ouais. Très bien. Vous étiez tout seul sur scène? Non, on était avec un groupe de Marseille qui s'appelle Madball. Moonball. Et moi, j'avoue, je les ai pas regardés. D'accord. Ils ont joué après nous. On est monté. On avait les amis. Tout ça. On a discuté. Puis en fait. Des fois, ça arrive. En plus, les mecs, ils ont joué 8 morceaux. Alors bon, c'était assez rapide, quoi. D'accord, des fois ça va vite, hein. C'est vrai que, et des fois on est aussi dans le truc, on est avec des gens et tout ça. Et moi ça m'est déjà arrivé aussi d'être avec, j'avais des interviews à faire. Je me souviens, il y avait le groupe ATX, je sais pas si vous connaissez, un groupe français de rock, hard rock. Ouais, il y avait le groupe Vulcain aussi, que j'ai interviewé les uns derrière les autres, et j'avais les amis de Ice Cream à l'époque, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui se produisait, et moi j'avais fait les photos de tout le monde, et puis les Ice Cream, je les ai complètement loupés. Parce que j'étais en interview avec les autres groupes. Donc voilà, des fois on est un peu entraîné, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais bon, ça sera peut-être l'occasion de les voir une prochaine fois. Voilà, le jour où vous irez à Marseille, justement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vous tournez aussi dans d'autres endroits de la France ou faut trouver des dates. Hein. C'est toujours la belle histoire. On va s'y atteler, hein, je crois. Ouais, c'est ce qu'on cherche. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on redémarre doucement. Voilà, c'est ça. Voilà. On était content de revenir aussi. Hein. Ça faisait un moment. Le live, là, ça manquait un peu. Mais on a loupé un peu la saison d'été, en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, après, notre objectif, c'est toujours d'avoir des trucs, des dates en prévision. Mmh. Donc là, en l'occurrence, il y en a. C'est loin. Hein, je pense qu'il y en a. Mais il y en a. Avant cet été et après cet été, en septembre 2026. Et en fait. J'espère qu'il y a d'autres dates qui tomberont d'ici là. Ouais, on va s'occuper de ça. Quand même. Alors, les dates, vous pouvez déjà les annoncer ou c'est pas encore sûr? C'est très loin. Ouais, c'est encore loin. Ça sert à rien. D'accord. Donc, le mieux, c'est de vous suivre sur Facebook, par exemple. Voilà. C'est le réseau que vous utilisez le plus ou on peut vous suivre sur autre chose? Ouais, parce qu'on a toute notre communauté de fans. D'accord. Si vous voulez, tout est là en général. Tout est là. Voilà, c'est vrai. On n'est pas sur Instagram parce qu'on doit pas poster, on poste pas des trucs tous les jours. Après, il y a des choses sur YouTube. C'est spécial aussi. Ouais. Instagram, c'est pas évident pour ça. Non, c'est pas. Il y a Bandcamp et YouTube, mais le principal c'est quand même Facebook. Enfin, il y a l'ensemble en fait. Vidéo, son. Alors, vidéo, on est assez productif en vidéo aussi. Ah, on aime bien faire des petits clips. On s'amuse bien. YouTube aussi, non? Donc, du coup, on a une chaîne YouTube. Et j'invite tes auditeurs à aller faire un tour sur notre chaîne. En rentrant. Voilà, on a des petits trucs sympas là. On en a un prochain aussi qui sortira. On verra. Peut-être pour les fêtes ou peut-être juste après. Mais un petit clip avec un petit morceau inédit. Qui sortira bientôt. D'accord, très bien. Donc on reste à l'affût, on vous suit sur le réseau social, Facebook. Donc c'est ça. Donc c'est le plus simple. Et c'est vrai que c'est encore le plus répandu. Et des fois, moi, je suis un petit peu étonné parce que la plupart, 99,99% des artistes qui passent ici dans l'émission Mavrika ont un compte, mais il y en a certains qui l'ont pas. Et je dis, mais vous, c'est quand même une fenêtre sur le public, donc c'est important, quoi. Et après, je vais peut-être me faire ma propre pub. Mais le problème des groupes, que ce soit à Orléans ou que ce soit ailleurs, c'est que si tu les connais pas, si tu connais pas leur page, tu les vois pas, enfin tu le sais pas, tu sais pas les chercher. C'est pour ça que j'ai créé Internet, il faut chercher. Les groupes peuvent venir dans leur page, ils peuvent venir publier, ça repart sur le. C'est bien. Il y a des groupes comme ça, il y en a plusieurs sur Internet. Hein. Alors moi, quand je fais les préparer les Mavrika Live, j'ai trois pages de groupes sur les réseaux sociaux sur lesquels je partage les informations et tout ça. Et il y en a pas mal, et heureusement, ça permet aux gens de. qui connaissent pas forcément les groupes vont aller là pour découvrir justement les différents postes. Ça permet aussi aux gens qui sont de passage sur la région, qui savent pas, s'ils connaissent pas Twister Cover, ils vont pas aller les chercher sur leur page. Ils connaissent comment pas ça, ils connaissent pas Twister Cover. Tout le monde connaît Twister Cover. Ça peut arriver si on arrive dans notre pays ou dans notre univers. Tu vois, avant d'arriver dans tes studios. Ouais. Ah, tes copains, on l'est plus, alors. Avant d'arriver dans tes studios, on est passé devant un épicier, et il nous a dit, c'est Twister Cover. Ils sont en retard. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, justement, on parlait de notre webmaster, Georges, donc, qui est au Portugal. Et à chaque fois, il découvre les groupes de la région orléanaise. Alors lui, il connaît les groupes de la région orléanaise, alors qu'il est à 1500 km d'ici. Et il m'a dit, Twister Cover. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai pas de commentaires, mais là, il m'a dit, c'est un bon groupe. Ça me rappelle les The Sound. Vous connaissiez les The Sound? Ouais, deux noms. Ouais. C'est un groupe anglais underground de l'époque des années fin 70, début 80. C'était l'époque de Bauhaus, Joy Division, etc. Donc des groupes que en France, pratiquement, The Sound, on connaît pas trop. On connaît plutôt Depeche Mode, des choses comme ça, de cette époque-là, The Smiths, etc. Mais ce groupe-là, c'est vrai qu'il nous a pas... Et c'est marrant parce que justement, si on se retrouve dans un autre pays, on est influencé par d'autres musiques. Et après, il m'a parlé aussi, c'était un animateur dans une grande radio au Portugal qui faisait découvrir ces groupes anglais. Donc les Portugais connaissent bien ces groupes anglais, alors que nous, on les connaît un petit peu moins. Mais ils connaissent pas plus Twister Cover. Si, justement, maintenant, il m'a dit, j'aime beaucoup The Twister Cover. Parce que le morceau Rescue me rappelle beaucoup The Sound. Ah, oui. Donc voilà, donc je me suis dit, et il m'a dit, c'est un bon groupe, j'ai bien aimé. Voilà, donc c'est le début. Je vais en Portugal. Alors bientôt, peut-être des concerts au Portugal, pourquoi pas. Alors là, avec plaisir. Hein. Et en plus, là-haut, vous allez être bien accueillis parce que. Là-haut, c'est dément. Moi, j'ai vu les concerts de rock qu'il y a là-haut avec des groupes américains et tout ça. Des choses qu'on a du mal à voir en France. Hein. C'est là-haut, les gens vont au concert. Il y a beaucoup de gens qui aiment le rock and roll encore. Hein, voilà. Donc, ils sont très ouverts de ce côté-là. Donc, pourquoi pas un groupe français qui irait chanter en anglais au Portugal? Pourquoi pas? Tout à fait. Twister Cover. Ouais. On s'écoute tout de suite, justement, le titre que je viens de présenter. Donc, Rescue, c'est le deuxième de l'album. L'album s'appelle 3. Ce sont les Twister Cover, nos invités de cette émission numéro 664. C'est pas ça. Hey, get rhythm. When you get a blues, come on, get rhythm. Ça serait mieux d'être M. Peter. C'était pas ça, mais on va se le passer. Alors, après. Merci Albino. Je te remercie de nouvelle. C'était pas mal, hein. J'espère que vous avez aimé le. J'ai quand même eu des premières notes, j'ai vu des perdus faire. Quand je vous disais que j'utilise rarement les CD. Donc il est bien calé, vous inquiétez pas. J'aurais pu un vinyle aussi, hein, si tu veux. Aussi, ouais. Tu sais que j'aime bien les vinyles, justement. Donc, si vous l'avez sorti en vinyle aussi? Tout à fait. Ah, c'est bien. Tous ces objets, on peut les retrouver sur notre banque. Ah ouais, c'est bien de le dire. Bon, cette fois-ci, je lève le bon curseur et on va écouter les Twister Cover avec Rescue. C'est parti. Times, hopeless we kept, and people cannot find. so down, but he's got the dirtiest job in town. Putting low on the people's feet on the wounded corner of the dirty street. When I asked when he shined my shoes, how to keep from getting blues. Red as a red, little head, he put a shoe shine like it. And he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, the jumpy rig makes you feel so fine. You check out for both for your worry mind, get rhythm. Donc un petit souvenir de la semaine dernière, nous avions reçu Peter Crazy Cash, il nous avait fait plusieurs lives et j'en ai extrait un, une reprise de Johnny Cash qui s'appelle Get Rhythm. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika. Ce soir, nous avons comme invité le groupe Twister Cover, le groupe mondialement connu. Hein, ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils vont interpréter des morceaux en direct live tout à l'heure. Et on a aussi un album qui s'appelle 3 à découvrir pendant tout le long de cette émission. Donc l'émission défile assez vite. On a aussi notre un des auditeurs les plus fidèles de l'émission Mavrika, qui est aussi un artiste qui s'appelle Christophe, le guitariste des Prisma, qui nous a envoyé un petit message, quoi, qui nous a téléphoné tout simplement, hein, un petit message téléphonique, comme il a l'habitude de le faire assez régulièrement. Et il passe un bonjour donc au Twister Cover, qu'il connaît forcément, parce que vous êtes mondialement connu. Vous connaissez le groupe Prisma? Alors, Prisma, je connais deux noms. Deux noms, parce que vous deviez faire un concert il y a quelque temps ensemble, et puis ça, c'est, je sais plus quoi. C'est possible. Oui, mais c'est avec le groupe Iron Troopers, parce qu'ils jouaient aussi avant dans le groupe Iron Troopers. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà, donc le monde est petit, donc les musiciens se connaissent toujours plus ou moins aussi. Très bien, donc il est à l'écoute et tout à l'heure on va faire un petit message aussi parce que la semaine prochaine il va y avoir de l'actualité. Eh ben on lui passe le bonjour. Ah, oui, on lui passe le bonjour. Voilà. Donc j'ai pas regardé, mais sur internet vous pouvez aussi aller nous mettre les petits messages. Donc je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont mis des petits pouces. Il y a Yes en route pour une nouvelle soirée en live avec Twister Cover chez Albino Mavrika. Ça c'est Didier qui a envoyé ce petit message là, et on a plusieurs personnes déjà. N'hésitez pas à aller mettre un petit message ou un petit commentaire, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez, parce que des fois on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent? Ouais, bah oui, ça c'est l'internet. Le problème, puis on avait lancé un petit truc qui mettent éventuellement leur endroit, s'ils sont du 45, ouais, le code postal, ouais, parce que ça, c'est intéressant de la commune. C'est intéressant de savoir à peu près d'où on est écouté. On a été étonné parce qu'on avait l'impression que c'était surtout dans la région centre, et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui nous écoutent partout dans la France et même à l'étranger. Oui. Donc voilà, on a quelques personnes qui nous écoutent aussi grâce à www.radio-arc-en-ciel.fr. C'est fou, c'est comme. C'était Freux avant, mais c'est devenu comme. Ah, là, je vois un nouveau commentaire de Billy du Kentucky qui nous écoute. Salut Billy. Salut Billy. Salut. Johnny aussi. Ah si, une fois de l'Ohio. Voilà, on voyage beaucoup, hein, ça fait plaisir. Et oui, c'est ça la musique. Et Kimberley. Kimberley. Ça me rappelle aussi, dernièrement, j'ai envoyé un petit message à Gwen et il y a le correcteur qui a traduit. Alors, j'ai fait deux fois et deux fois ça fait pareil. Hein. Il traduit par Geneviève, il me corrige comme ça. Oui, Geneviève, c'est mon deuxième prénom, là, tout à fait. Alors, ça, quand on est sur le téléphone, alors j'ai voulu rectifier, je réécris Gwen c'est et il me remet Geneviève. Je dis, là, c'est terrible, quand même. On passe un temps fou à corriger ce que le correcteur fait. Donc, voilà. Donc, c'était son anniversaire. Ça a quelques temps, donc voilà. Ok, Geneviève. Oh. Ouais, Geneviève. Très bien. Fait. Oui, j'ai eu d'ailleurs mon ami Nico m'a fait un super cadeau d'anniversaire, une cloche. Ah ouais, cool. Vous pouvez entendre. Ouais, ouais. Voilà. Ah bah c'est cool ça, c'est vraiment le. J'en rêve depuis des années. Comme ça on peut pas le perdre. Non Didier, mets-la pas à ton cou parce que ça va s'entendre quand tu vas te déplacer. Il n'y a pas de. Ah. Non, c'est pas une, ce n'est pas une clochette. Ce n'est pas une clochette. C'est une cloche. Très bien. Donc, on a parlé de cet album. On a parlé aussi des projets. Donc, il y aura des concerts à partir de 2026. Ça sera annoncé au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. On va trouver ça. Est-ce que vous avez d'autres projets on a parlé aussi de clips vidéo. Vous aimez bien faire des petits clips vidéo rapides aussi, mais aussi des clips plus officiels et. Tout à fait. Tous nos clips sont officiels. Hein. Ouais, mais plus. Et sont de grande qualité aussi. Tout à fait. C'est vrai, ils sont bien faits. Mais il y a aussi des petits clips vraiment très court ou vous annoncez simplement vous faites des petites annonces. Ah, voilà. Oui, ça, je parlais de ces petits clips là. Des petits teasers. On va dire ça comme ça. Très bien. Et après il y a les clips officiels qui eux sont bien travaillés. Voilà. Il y a toute une mise en scène et tout ça. Comment ça se passe pour les faire ça? Alors. On se réunit, on fait un peu les oeuvres. Non, mais bon, après on décide. Quand même un peu. Alors, au début on faisait des clips, on en faisait chez moi avec un fond vert. Ouais. Fond vert avec GoPro et tout ça et donc on s'amusait à faire des trucs quoi. Ouais. Et puis après c'est Gwen chez lui qui faisait le montage, le mixage et tout ça quoi. Ça se fait comme ça. D'accord. C'est vous qui faites tout alors. On avait acheté un fond vert, tout ça. Voilà. Et puis le retour image sur ma télé, tu vois, pour voir. Et puis on filme, on fait des trucs quoi. Et puis ils font des trucs. T'entends ça. C'est le montage qui fait la chose en fait. Hein. D'accord. On a commencé avec des équipes quand même. Le premier Psycho. Exact. Il y avait une équipe caméraman derrière le camion qui roulait, machin. Oui, là c'était. Il y avait toute l'équipe des figurants, tout ça. Des figurants, Alors ça nous éclate faire des vidéos, c'est rigolo comme tout. Il y en a eu deux un peu pas professionnels, mais bien. Bah, si, on l'a fait quand même avec. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Avec des gars de France 3. Ouais. Oui, ça, c'est dans les premiers. Après, justement, on s'est un peu équipé. Donc là, ça avait été filmé en extérieur, tout ça. Ouais, à chaque fois, on se marre bien. Avec des cyclistes. Parce que on a toujours des idées un peu débiles. Ouais, mais c'est le côté rock'n'roll que j'aime bien, justement. On se baladait en Mercedes, tu vois. Et puis on s'embrouille avec des mecs, tu vois. Alors au lieu que ce soit des bikers, machin et tout, c'était des cyclistes, cyclistes Tour de France, quoi, tu vois. Cyclotouristes. Alors du coup, on a fait appel à un club de vélo et tout ça. Enfin bon, c'était toute une entreprise. C'est une course-poursuite entre des cyclistes qui nous poursuivent. Voilà. C'était en extérieur, c'était marrant. Il y en avait un autre aussi avec Pierrick. C'était pas évident à tourner, hein. Non, c'est du boulot. Tu peux pas faire de one shot parce qu'il y avait du boulot. Qui passe avec la mobilette à côté, t'as la. On avait placé les caméras sur la voiture avec des ventouses, Ouais. Sa Mercedes de l'époque, elle avait des ronds partout après. Ça avait marqué. Bah oui. Non, celui-là c'était rigolo, puis après on en fait d'autres. Il y a eu celui avec Pierre. Vous faites un peu de musique là aussi. En même temps, quoi. Et puis là, le dernier, là, qu'on a fait sur l'album, là, alors lui, il a été fait avec l'intelligence artificielle, tu vois. Ah, donc là, c'est carrément du grand spectacle, hein. Ouais. Ouais. Là, faut le regarder, hein. D'accord. Ça, il s'appelle The Way of the Gambler, qui est sur l'album d'ailleurs. On va l'écouter tout à l'heure. Là, là, c'est Cinémascope, grand spectacle. Ah ouais, ça s'allume carrément. On a pris une dimension là. C'est Sergio Leone. Ouais, et Clint Eastwood qui a bien se tenir. Hein. En Panavision, etc. Très bien, donc je vais voir. Dès que j'ai un petit moment, je partagerai les petites vidéos pour que les gens qui nous écoutent puissent aller les voir s'ils sont pas encore vus. J'ai jamais regardé en fait. Mais il y en a plein. Je sais que j'ai une chaîne aussi et j'aime bien filmer aussi et faire des montages. Donc d'ailleurs, c'est du boulot. Il y a plusieurs styles différents. Je me demanderai en off sur quel programme il travaille. C'est bon, il y en a plusieurs. Ah bah ça, faut lui demander. Ah, oui, après, voilà, vous allez parler des petits détails techniques. Voilà, c'est bien d'apprendre les uns des autres, etc. Mais c'est bien de savoir aussi que c'est d'abord des musiciens. Ils font de la musique, ils font aussi de la technique parce que les enregistrements, etc. Et même juste la vidéo. Ouais. Et maintenant, l'intelligence artificielle, ça y est, rentrer dans leur univers. Je crois qu'on est tous rentrés dans l'ère de l'intelligence artificielle. Jusqu'où s'arrêtera-t-il, comme disait Coluche? Parce que là, au bout d'un moment, l'intelligence artificielle, c'est bien de s'en servir pour justement développer plus. Tant que c'est pour des choses comme ça, ça va. Des trucs artistiques, ça va, mais il faut pas que ça prenne la place de l'humain, quoi. Et malheureusement, hier soir, j'ai regardé une émission. Enfin, c'était un truc qui était déjà passé, mais c'était pendant 2 heures. C'était au Canada. Il y avait la responsable de chez Meta, de tout ce qui a Meta, Fila, qui parlait un petit peu de l'intelligence artificielle. Puis les trois pionniers de l'intelligence artificielle qui étaient en direct aussi. Sincèrement, ça fait peur. Il y a certains métiers qui vont carrément disparaître. Il y a des gens qui savent qu'il faut qu'ils changent de métier. Et puis la désinformation, les fake news. C'était assez sympa à voir parce que il parlait français, c'était des Canadiens, tu sais, avec l'accent. Mais ouais, c'était chaud patate quand même. Hein. C'est sûr que. Je crois que c'est inévitable. Hein, ouais, il parlait justement de la musique. Dommage. Il parlait de la musique, il parlait notamment du montage des vidéos et puis des artificiels, l'intelligence artificielle, la gentille et la méchante et laquelle qui va le vrai du faux là, ça va être un peu mais côté musical là j'y étais dernièrement parce qu'il y a comment ça s'appelle Yavanna qui était venu qui est très là-dessus et c'est vrai qu'après je me suis intéressé à quelques sites enfin quelques trucs de t'as voulu tester certaines choses d'ailleurs je t'ai envoyé tu t'en rappelles oui son et, on les a pas diffusés parce qu'on sait pas au niveau des droits et tout ça c'est encore litigieux en 5 minutes on avait notre chanson Mavrika 2035 c'est chaud. Ah non mais tu peux faire des chansons comme ça pour 2 secondes. Ouais, sur les paroles et tout, mais après, quand tu écoutes bien, quand tu connais un petit peu la musique, c'est assez linéaire. Et puis au niveau de la voix, du chant, quand ils passent vers leur robot, t'as pas d'humain. Non, t'as pas de. Non. Après, ça va aller vite. Hein. Oui, ça va très vite. Pour l'instant, ça. Ouais. Donc, Twister Cover in IA. Bon, mis à part l'IA pour les vidéos, sinon. Oui, c'est pour l'image. Oui, bien sûr. L'artisanat. La musique, on aime bien l'artisanat. Après, il ne faut pas que ça devienne un truc industriel. Mais j'ai vu, il y a aussi un groupe qui avait des musiciens qui avaient fait de la musique et dans lequel on entend une voix et on reconnaît cette voix parce que c'est une grande chanteuse alors que c'est pas elle du tout, c'est l'IA qui l'imite, c'est-à-dire qu'on peut très bien demander à l'IA de chanter à la manière d'un tel. Donc ça, on en vient à se poser la question, est-ce que demain on va pas ressortir un album de Johnny Hallyday sans Johnny, un album d'Elvis sans Elvis? Je me demande si ces derniers qui ont sorti, ils ont sorti des trucs, ils ont sorti anniversaire de la mort de Johnny, et comme par hasard, je sais pas si t'as vu, ils ont retrouvé une archive où il était avec Berger comme par hasard, Bon. Mmh. Bah non, mais tu t'es possible avec ça maintenant. Ouais, mais vive le business. Non, là, ça me paraît être vrai, mais vive le business. Non, c'est probable. Ouais. Oui, bon. C'est probable. Donc, bon. Mais bon, le problème, c'est que. Business is business. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on est au début de ça, mais dans quelques temps, on n'arrivera plus à distinguer la vraie voix de la voix de l'IA. Alors, ils veulent. Il y a des normes en Europe, même dans le monde. Ils veulent donner un copyright, si tu veux, sur les IA, sur les... Oui, qui est un truc que la personne sache si c'est du vrai ou si c'est pas du ouais, vrai. Mais est-ce que ce sera respecté, ça? Est-ce que ce sera respecté? Moi, je vois au niveau des droits d'auteur, les samples et tout ça qui sont utilisés dans la musique déjà depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui chopent des samples à droite à gauche, qui les modifient sans rien demander à personne. Et personne ne voit rien. Donc, on sait qu'aujourd'hui... Alors, moi, je me suis amusé. Hein. Vous savez, sur les téléphones, vous avez des applications qui vous permettent de reconnaître des musiques. Donc, vous écoutez un truc. Tiens, qui c'est? Ah, bah, c'est lui. Ah, impeccable. Et dans les musiques modernes qui sont mixées, remixées, remixées, vous le faites 10 fois, vous avez 10 artistes différents. Pourquoi ? Parce que dedans, ils reconnaissent le son de plein de choses différentes. Donc voilà, c'est compliqué. Et après, est-ce qu'il faut faire des procès à tout le monde ? C'est un peu... Les gros groupes internationaux. Ouais, ils ont des cabinets juridiques, des avocats, et puis... Voilà, donc... Mais vous, avez pas ça Bien sûr, et en plus, il y a des gens qui prennent leur voix, hein, la voix de Gwen, numérisé, donc ils permettent... On a le meilleur avocat de la ville. L'avocat du diable. Très bien. Voilà, on parle de plein de choses différentes. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi d'en parler dans une émission où on parle de musique. L'IA, c'est aussi l'avenir dans la musique, etc. Donc, et on s'inquiète un petit peu. Bon, de toute façon, on sera obligé d'y passer. Il va falloir qu'on s'adapte. Hein. L'être humain s'adapte toujours au fur et à mesure. Hein. Je me souviens quand les synthés étaient arrivés au départ, on disait, mais il n'y a plus de musiciens, c'est les musiques synthétiques. Donc, ça part de signaux carrés, etc., qu'on transforme et on fait de la musique avec ça. Et je me souviens qu'il y avait un groupe qui avait utilisé des violons justement synthétiques et ils ont été obligés de rajouter sur la couverture qu'il y avait l'orchestre philharmonique de Londres alors qu'il n'y était pas, simplement parce qu'ils avaient utilisé le son voilà, donc et c'était il y a 30-40 ans déjà. Aujourd'hui avec l'IA c'est encore un autre pas, mais bon, on va s'adapter, et puis si ça peut permettre d'écouter de la bonne musique et de corriger certains défauts, c'est bien. Ça peut avoir ses bons côtés, ça peut avoir ses bons côtés. Après c'est comme tout, c'est que ça dérive, après c'est ça le problème. Très bien, on continue à découvrir cet album parce que le temps défile, hein, c'est vrai que ça va très vite. Et on n'a écouté qu'un morceau de vous pour l'instant. Donc à la limite, on va écouter justement le troisième de cet album qui contient 10 morceaux. Il y a 10 morceaux, il y en a certains qui vont être interprétés en direct live. Et l'album s'appelle 3. 3 ou 3 ? 3. 13. 13. Ouais. Voilà, on va dire 13. Ouais, si. Trois, quand vous ferez la tournée au Portugal, ça sera Trés. Voilà. Donc, et c'est le groupe Twister Cover, l'invité de cette émission de ce soir. Et cette fois-ci, je ne trompe pas de potentiomètre, je lève le bon. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a écouté deux morceaux à la suite des Twister Covers. Ce sont nos invités de cette émission numéro 664. On a écouté Getting Drunk et on a écouté à l'instant All Made By Myself, le groupe Twister Cover. On va les retrouver en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va continuer à découvrir leur univers pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et il y aura du live juste après. On va encore papoter un petit peu pour savoir plein de choses. Et puis juste après, il y aura des morceaux interprétés en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Donc là, on a écouté deux morceaux à la suite, hein, parce qu'on a un album à découvrir. Il s'appelle 3 et c'est le troisième album donc des Twister Cover, malgré qu'il y ait eu quand même des EP entre-temps. Voilà. On va réexpliquer un petit peu pour les gens qui... Le groupe existe depuis combien de temps exactement ? Depuis 2009. 2009. Oui. Ouais, donc ouais, ça fait quelques années quand même. Ouais, mais ça fait quelques années. Puis il y a eu différentes formations, hein. Ouais. Des rebondissements. Il y a eu des rebondissements. On a eu un premier batteur qui est parti. Après, Gwen a repris la batterie. Mmh. On avait un jeune guitariste très doué de 17 ans à l'époque. Lui, après, il a fait les études et il a abandonné. Après, on a eu Laurent, celui qui était avec nous. Ouais, qu'on Laurent. Avait joué ouais. Là, qu'on avait fait un petit set acoustique, là. Ouais. Ouais, je me souviens très bien. Et lui, il est parti aussi. Et puis là, du coup, on s'est dit, on fait à trois, quoi. À trois, quoi. Et ça marche. Voilà. Trieur, comment on dit, un trio. Un trio. Trio. Trio. Power trio. Power, ouais. Ouais, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Power trio. Comment on pourrait qualifier justement votre musique ? Bah, c'est de la power pop. Power pop. Power pop rock. C'est-à-dire, c'est des chansons mélodiques avec de l'énergie, on va dire. Quoi. Ouais, et en plus, elles sont courtes. Hein. Elles font 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc... Nous, on n'est pas plus de 3 minutes. Hein. Ah ouais, parce que... on s'appelle Popping Floyd, là. Non. D'accord. Donc, voilà, c'est inspiré par la musique plutôt anglaise ou américaine ou... Parce que vous chantez en anglais, quand même. Ouais, mes trucs, c'est plus américain. Mm-hmm. Australien aussi. Australien, ouais. Et puis anglais aussi, bien sûr. Ouais, anglais, australien. Ouais, très bien. Vous avez des artistes que vous voulez citer, des artistes qui vous ont influencé, par exemple? Bah moi, il y a un groupe de Los Angeles, là, enfin qui n'existe plus, hein, mais qui s'appelait The Plymouth Souls. Mm-hmm. Ça, c'était une grosse influence pour moi. Les Australiens, les Hoodoo Gurus. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là. C'est vrai que. Tu connais? Ouais, j'ai déjà entendu, mais là, bon. Bah, c'est un super groupe. Super mélodique et énergie comme j'aime, quoi. Enfin, par exemple, quoi. Après, il y en a eu d'autres, plus Radio Birdman, etc. Après, on a des influences comme qui sont assez variées, ouais. Et on se réunit un peu dans tout ce qui est dans la grande famille du rock, hein, en fait. Hein. Voilà, avec de la mélodie, parce qu'on aime bien la mélodie. Ouais. Voilà, de la mélodie et puis les paroles, justement. Vous abordez quoi comme sujet? Alors ça, faut poser. C'est Gwen qui s'en charge. C'est des sujets très sérieux. Non, enfin déjà globalement, les paroles, dès le départ, on s'est dit que c'était un peu au service de la musique. Voilà, maintenant on a quand même des paroles profondes qui ont du sens. Mais on va dire ça, message. Non, on va dire que ça se rapproche un peu du blues, hein, c'est-à-dire des trucs un peu du quotidien, quoi, des petits tracas du quotidien, ouais. Voilà, qu'on peut extrapoler, quoi. Tu vois. Mais il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de message. Non, je. Il n'y a pas de message politique derrière. Je n'y appelle pas Bob Dylan. Je ne suis pas un grand poète. Non, on parle voilà de choses du quotidien, puis de choses qui nous touchent. Hein, voilà. Mmh. Voilà. Vous êtes inspiré par l'actualité, des choses comme ça, non? Ou oh, vraiment bah, des choses? Non, bah là, si tu veux l'actualité en ce moment, il vaut mieux pas s'en inspirer. Non, je te dis, c'est vraiment des trucs du quotidien. Il me semble que sur notre premier album, on parlait des taupes dans mon jardin. D'accord. De la tempête Xynthia aussi, qui avait failli écraser un arbre sur ma toiture de ma cabane. Voilà. Donc c'est vraiment des trucs. Tu vois, Getting Drunk. Alors, Getting Drunk, tu vois, c'est des trucs profond quoi. Ouais, Getting Drunk. Effectivement, des trucs profonds, des trucs que vous voyez régulièrement autour de vous, quoi. C'est, voilà. Et c'est ce qui fait que les gens qui vous écoutent reconnaissent forcément leur vie dans celle que c'est vous racontez. Ça. Bon, en même temps, je sais pas s'ils comprennent vraiment les paroles. Après, ça sonne bien parce que c'est en anglais. Ouais, et votre style de musique va bien avec la langue anglaise. Et puis bon, on a l'accent du Kentucky, quoi, tu vois. Ah, c'est déjà ça. Parce que moi, je dis souvent dans l'émission, moi, j'ai l'accent du sud de Munich. Ah oui. Ah bon, c'est pas le bon pays. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, j'entends déjà du son, là. Donc, après, il y aura... Donc, on passe un morceau, et après, ça sera à vous d'interpréter. Donc, on n'a pas fait de balance, rien du tout. Hein. On se débrouille toujours bien. Ouais. Je monte les potentiomètres, et puis, sur la première chanson, bon, je cherche un petit peu, et après, je panne un petit peu aussi, d'accord, pour donner du volume. Et puis, bon, ça se passe bien. Hein. Voilà, ouais, vous avez entendu le morceau tout à l'heure de Peter Crazy Cash. Ouais. C'était enregistré comme ça, en direct live. Ouais. C'est one shot, hein. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas d'effet, c'est vraiment sans filet. Hein. Chers auditeurs, vous pouvez tout mettre à fond. Ça va bien se passer. Ah oui, il faut qu'ils mettent tout à fond, justement. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Là, les voisins, on les oublie un petit peu pendant tout le temps de l'émission. À fond. De toute façon, j'ai fermé la porte en bas. T'as fermé la porte en bas? Ouais, parce que si jamais les voisins appellent la police. En plus, pour l'occasion, on a ramené un copain batteur. Ouais, il y a un batteur. Ouais. Donc, vous l'avez mis dans une boîte. Dans une boîte. Voilà, ouais, il s'appelle Beat Bully. D'accord. Beat Bully. Donc, aujourd'hui, toi, Gwen, tu vas te concentrer au chant. Je vais regarder mes camarades aussi, je vais me reposer un petit peu aussi. D'accord, et donc là, la batterie, aujourd'hui, c'est la batterie en boîte. C'est géré par l'IA. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont jamais en train de râler, ils prennent pas de bière pendant l'entraide, mais rien. Jamais, ils sont toujours jamais. Prêts, ouais. Enfin, je parlais de la boîte, hein. D'accord, ouais. Des vrais, hein. Le batteur qui est dans la boîte, oui, il est pas chiant, lui. Allez, il est carré. C'est un petit peu, le défaut des machines, c'est que c'est des fois trop carré. Et on aime bien le côté humain où justement c'est sur le vif. Des fois, il peut y avoir un petit décalage. Et c'est ce qui fait aussi le côté vivant, quoi. C'est ce qui fait le charme aussi. Ah oui, exactement. Est-ce que ça vous arrive aussi, vous, justement, justement en tant que pour les batteurs, c'est les morceaux que vous interprétez là, ils durent 2 minutes et quelques, et quand vous faites un concert, ils durent plus qu'une minute. Il y a pas, il y a non, pas. Non, c'est pas vrai. On arrive à les jouer à peu près au même rythme, au même tempo. Vous arrivez à le faire. Parce qu'il y en a certains qui me racontent. Des fois, on est dans l'ambiance et puis on accélère un petit peu. Ça c'est une tendance qu'on peut avoir. Non, mais ça peut arriver. Mais on essaye quand même de garder le tempo initial. Parce que quand tu joues trop vite, après, on se court après. Ça pue le même impact. Oui, chaque morceau a un peu son beat quand même. Ouais, après ils ont effectivement il y a leur respiration et tout ça. Ouais, donc si ça. On passe les morceaux trop vite à la fin, bah ils sont tous trop vite et c'est un peu dommage. Il faut aussi un petit peu revenir des fois sur quelque chose de plus lent pour mieux repartir dans le morceau d'après. Quoi. Ça peut arriver quand même. Exactement. Un peu agacé. Et est-ce que les morceaux que vous interprétez par exemple en live, des fois vous les faites durer un peu plus longtemps justement? Non. Non, c'est vraiment deux minutes. On n'est pas des improvisateurs. Ah ouais, d'accord. Quand vous jouez, c'est ce que vous avez répété, On joue les morceaux texto. Oh, d'accord. Peut faire des petits arrangements, des petits. Oui, ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Mais ça double pas le temps du morceau. D'accord. Voilà, donc Pink Floyd, c'est pas un des groupes qui vous a influencé ou peut-être vous aimez, mais c'est pas. Moi j'aime bien Pink Floyd, surtout la première période, mais non. Mais c'est pas voilà, il y a ce que vous écoutez des fois et ce que vous faites, et des fois c'est pas toujours exactement la même chose. Nous on est dans le rock and roll. Pas le progressive rock, tu vois. D'accord. Très bien, donc on va continuer à découvrir cet album, et pendant ce temps-là, vous allez vous préparer pour le prochain morceau qui sera en direct live. Alors le morceau, il s'appelle comment ? On va commencer par Falling Rain. Falling Rain, ok, voilà. Donc c'était le numéro 1, on l'a pas passé. Non, on va pas sur le Lone, là, tiens. Il y en a un que j'ai sauté tout à l'heure, parce que justement, pour pouvoir faire un enchaînement, c'est Leave This Meeting. Oui, par exemple. Ah, celui-là, il a des paroles profondes. D'accord. Voilà, ça parle des réunions de travail qui servent à rien. Voilà. Ouais, c'est vrai que des fois, dans certains trucs, on dit voilà, ce serait bien de faire des réunions. Et après, on commence à faire des réunionnites. Ouais. On appelle ça comme exactement. Ça. C'est-à-dire que au début, les réunions servent à quelque chose parce que ça permet de mettre les choses au point. Et au bout d'un moment, on fait des réunions pour faire des réunions. C'est ça. Et il y a rien qui en sort. Et finalement, ça fait rien évoluer. Voilà. Mais on a pris l'habitude de le faire, donc on le fait systématiquement, alors qu'on n'a rien à dire. Alors que le mieux, c'est quand même d'en faire quand il y a besoin et quand il n'y en a pas besoin d'envoyer la sauce, quoi. Et d'aller bosser, quoi. Ouais, puis des fois, ça te fait lever plus tôt, tu vois, pour être à la réunion. Bon, nous, on avait des croissants, le café, c'était... Ah, bah oui, voilà, des fois, il y a des bonnes choses aussi. Mais bon, pour ne rien dire, c'était pénible. Ouais. Très bien. Bon, donc, on va envoyer ce morceau-là, et puis vous allez vous préparer pour interpréter les premiers morceaux en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Voilà, et sur le 96.2 MHz dans la région orléanaise. Voilà, on aime bien écouter jusqu'à la dernière note dans l'émission Mavrika. C'est important d'écouter, hein, voilà. On coupe pas les morceaux dans l'émission. Donc, ce soir, nous sommes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nous avons reçu depuis 19h le groupe Twister Cover. Ils se sont mis en place. Donc, là, maintenant, ils vont interpréter un morceau en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, on va commencer à faire peut-être résonner un petit peu les instruments. J'arrête la petite musique de fond. Voilà, on a ramené... Ça sonne, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est la guitare, la basse. Et notre petit copain Beat Bully qui va envoyer le rythme. Alors, pas trop vite, mais pas trop lent non plus. Hein. Voilà, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Twister Cover. T'as voilà. Vu sur notre batteur là. Ouais, ah ouais, super. Voilà, en plus ça termine brutalement. Heureusement, je connaissais cette chanson-là parce que je la diffuse assez régulièrement. Donc, Falling Rain en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ouais. Avec le groupe Twister Cover. C'est nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On en enchaîne une autre? Ouais, ou... parce que j'ai mis pas mal de temps quand même à trouver les bons réglages. Là, je pense que c'est pas trop mal. Ben donc, parce que effectivement, les balances se font à l'arrache hein, dans l'émission Mavrika, ouais, ouais. C'est un peu comme ça. Mais enfin, bon, ça a été quand même pour vous. Ça... Oui, oui, ça va. Voilà. Ouais, écoute, on se débrouille, on s'adapte. Hein. Ouais, on s'adapte. Ouais, les vrais pros, ils s'adaptent. Ils sont capables de jouer n'importe où. On s'entend un peu bizarre, mais c'est pas grave. On connaît nos chansons. Ouais. On a bien reconnu la chanson, en tout cas. Ouais. Très bon. Là, on va faire un inédit qui n'est pas sur l'album. D'accord. Que Gwen va chanter. Ouais, ok, c'est d'accord. Le batteur. Ah, attends, le batteur, je le cherche. Donc là, ce qu'on peut dire aussi, c'est Gérard qui chantait. Oui. Et c'est Gwen qui faisait les chœurs. Voilà. Et cette fois-ci, là, on repasse. Là, on va faire l'inverse. Ça va être l'inverse. Ok, d'accord. Donc Nico, ouais. Lui, il joue juste de la basse. Voilà. C'est déjà, bien. Il le fait voilà, bien. Hein. C'est le, c'est notre baobab. Souvent, il conduit le camion aussi. Ok. Voilà, j'ai plusieurs choses. Bah voilà. Et si vous avez une cuisine à refaire, il est disponible. D'accord, je vais l'embaucher alors. Exactement. Donc alors on peut voilà, c'est un inédit, hein, qui s'appelle The Same Ship, le même navire, le même bateau quoi. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'on est tous dans le même bateau quoi. Vous êtes prêts les gens? On est prêts. Ok. Donc Beat Bully, t'es prêt? Allez, on voit le tempo. Là. So deep, we got the ocean floor. You can't blame for trying to learn it every way. They don't want to hear the words you say. Look at the weather, baby. It's going down, down, down. But it is not so bad. It's just once a year. You can't blame for trying to learn in every way. They didn't want to hear the words you say. Won't you please tell me what's gonna burn today? Won't you please tell me it happens every day? Smokes over the forest, it is right by the way. You don't want to hear the words you say. We all on the same ship. It's going down, down, down. But it is not so deep. Look at the ocean floor. You can't blame for trying and learning every way. That you don't want to hear the words you say. Won't you please what's gonna burn today? Won't you please tell me? It happens every day. River from the mountain, it is dry by the way. That you don't want to hear the words you say. Trying and learning every way. That you don't want to hear. That you don't want to hear it. That you don't want to hear the words you say. Merci, prochain public, merci. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Twister Cover avec The Same Ship. Voilà donc une exclusivité mondiale, je dirais. Carrément. Intergalactique. En tout cas, on est premier à le diffuser, donc avec une version Mavrica un peu spéciale. Donc vous êtes en mode restreint, on est dans une petite pièce, vous jouez en direct live, c'est one shot et ça se passe bien, c'est rock'n'roll en tout cas. Bah oui. Voilà, super, deux morceaux à la suite. Celui-là, il fera partie peut-être du prochain album, c'est ça, non? Oh, certainement. Oui, écoute. Vous avez déjà commencé à travailler sur un autre album? Vous avez déjà des idées? On a plein d'idées dans les cartons, on a des nouveaux morceaux, mais on a aussi des très anciens morceaux qu'on ressort de notre bibliothèque et qu'on voudrait réadapter, en fait, quoi. Ouais. Voilà, parce qu'on a quand même des bons morceaux sur Twister Cover de première époque. Il y a un petit côté nostalgique, mais en réécoutant, on a quand même des bons trucs. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. D'accord, vous les retravaillez ou vous les gardez C'est-à-dire qu'ils avaient été faits avec deux guitares. Ouais, il faudra les retravailler. Donc là, il faut qu'on les retravaille. Un peu modifié sûrement, mais bon. Ouais. Oui, c'est de la réadaptation. Il y aura l'âme du morceau quand même. D'accord. Donc là, on a pu le voir, donc c'est du. c'est de la musique efficace, qui envoie, qui a un rythme qui nous entraîne. On est presque en train de danser dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et en plus, des très belles mélodies. C'est vrai que j'aime bien votre manière de chanter, tout ça. Donc, ça passe super bien. Et je pense que le public aime bien ce style de musique. Comment ils ont bougé, le public, là? Ah bah, ils étaient à fond. Ils voulaient tous rentrer dans le studio. Bah oui, et puis là, le problème, c'est que l'hélicoptère doit atterrir sur la terrasse tout à l'heure pour qu'il puisse s'en aller. Sinon, là, le studio, il est vraiment encerclé. J'ai du mal à les tenir. On a bien fermé la porte, t'es sûr, hein? Ils sont passés par la fenêtre. On a bien fait de mettre une porte blindée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe Twister Cover ce soir dans l'émission Maverica. En tout cas, super interprétation en direct, ouais, non, live. Pas, ouais. Donc, un morceau qui s'appelle Falling Rain qu'on connaît déjà si on écoute l'émission Maverica. Et The Same Ship. Donc, on est tous dans le même bateau ce soir dans l'émission Maverica. Et donc, c'est une découverte en direct. Il y aura un troisième morceau tout à l'heure. Oui, si vous êtes sage. S'ils sont sages, donc. Ok. Si vous nous envoyez plein de pouces bleus, on fera un troisième morceau. Voilà, donc vous pouvez aller sur le Facebook des Twister Cover et puis aussi sur le Facebook de l'émission Maverica, dans lequel vous retrouvez le programme. Là, je viens de mettre un petit direct, un petit live sur ma page perso. D'accord. Je l'ai mis en live. Et après, je leur passerai la deuxième vidéo que j'ai fait non live. Voilà, ça c'est des petits souvenirs. Et c'est vrai qu'à une époque, j'avais la chance d'avoir dans l'équipe de l'émission Maverica, on avait la chance d'avoir un vidéaste. On en a même eu plusieurs qui prenaient beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de travail. Donc l'avantage qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient le direct qui était filmé, des fois avec plusieurs appareils différents, et après ils le synchronisaient avec le son de la radio. Pour avoir la meilleure qualité possible, donc et avec une petite présentation et tout ça. Et ces vidéos qui ont été faites il y a quelques années, parce que depuis je me suis retrouvé un petit peu tout seul et j'ai pas le temps de faire tout ça. Et ben ces vidéos-là, on peut les retrouver sur la page YouTube de l'émission Maverica. Ça existe aussi. Ouais. Et il y a pas mal de vieilles vidéos qui aujourd'hui sont cultes. Quoi, parce que c'est les filles à la boîte, il fera un montage. Comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, les vidéos et tout ça. Ouais, et donc le fait que toi tu puisses faire des vidéos pendant l'émission. Normalement, j'étais pas là ce soir. Ouais, normalement c'était pas prévu que tu sois là. Non, j'étais au 108. Au 108, ouais. Ah ouais, je devais répéter, mais bon, j'ai deux de mes collègues qui étaient out. Donc, c'était avec quelle formation? Avec Blue Tomahawk. Blue Tomahawk. Ouais, donc ça y est, c'est reparti, Blue Tomahawk. C'est dur. Ah ouais, parce que à chaque fois qu'on a des répètes, ils sont pas là. Ça devient difficile. Non, mais voilà, on s'accroche, on y croit, et voilà, tu connais la musique. Ouais. Ah. Ouais, donc, après, voilà, quand il y a la passion, de toute façon. C'est vachement bien ce que vous faites. Hein. Une fois, j'ai tendu une oreille derrière la porte, comme ça, discrètement. Mais tu sais, j'ai plus les mêmes artistes, j'ai perdu mon guitariste, j'ai perdu, enfin ouais, donc c'est des histoires. Là, on est en pleine reconstruction et voilà quoi. Donc le groupe Blue Tomahawk, dont tu fais partie. Pour l'instant, il n'est pas encore venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais on devait le 29 août. Voilà, et mais bon, ça va se faire. Oui, ça va se faire. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Et après, tu as aussi une autre formation. Ouais, après, je suis avec Patrice, Plug and Play. Plug and Play, au Maverica Live. Ouais, puis on viendra, on te l'a promis, j'en ai reparlé tout à l'heure avec lui, parce que j'ai récupéré du matos chez lui, là, cet après-midi. Et ouais, on viendra. Ah, on te fera un petit. Et je prendrai pas mon vocodeur. D'accord. Pas de vocodeur, non. Pas d'intelligence artificielle, c'est bien qu'avoir. Non, verboten. Non, parce que tu peux très bien chanter et avoir la voix de quelqu'un d'autre. Tu peux mettre un autotune aussi, si tu veux. Ouais. Très bien. Non, on va pas dire. Après, pourtant, il y en a qui Il y en a qui le font, ils se gênent pas. Et puis, il y a même des chanteurs qui, des fois. S'ils n'ont pas. Ouais, ils ont même du mal à chanter. Hein. Bon, on citera pas de nom ici dans l'émission Maverica. Non, on fait pas les balances ici. Voilà. Enfin, si, on fait des balances, mais pas les mêmes. On a fait des balances un petit peu à l'arrache dans l'émission Maverica, c'est toujours comme ça. Ouais. Mais bon, je pense que. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de voir un petit peu le live comme ça. Et puis, ça apprend aussi les musiciens à jouer light. Ouais, mais et c'est vrai que c'est pas moi je me mets à la place des musiciens, c'est pas un exercice facile. Hein. C'est-à-dire que ils viennent ici, souvent ils optent pour l'acoustique parce que c'est plus facile. En électrique, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, bon, ce qu'on est content, c'est d'avoir un morceau qui est joué comme dans les années 50, comme dans les années 40, au début de la radio, où les gens se mettaient autour d'un micro, et c'était ce que les gens écoutaient. C'était, il n'y avait pas vraiment d'enregistrement. Les enregistrements sont arrivés après, avec les premiers disques, les premières bandes. Mais avant, c'était un micro qu'on mettait au milieu de la pièce, et puis on se passait le micro, et puis on faisait la radio après, comme ça. Ah non, c'est problème, bientôt, t'auras l'IA qui te fera tout ça. bientôt, il n'y aura plus d'animateur, hein, donc ça sera l'IA qui va me remplacer, parce qu'on va acheter une nouvelle. Là, on a une console numérique, on aura une console IA. Qui fera les émissions toute seule. Et puis voilà. non, on aime bien le côté humain et à la limite, voilà, on joue en il y a direct. La chaleur, il y a le côté. Le côté humain, là, le tout côté simplement, humain, avec les qualités, les défauts, c'est tout à fait, tout à fait, les qualités, les défauts. Et les défauts, voilà. Voilà. D'ailleurs, chers auditeurs, mettez un commentaire si vous voulez que GG monte sa guitare ou la baisse. Voilà. Ouais, c'est pas évident de discerner un petit peu les deux parce que finalement la guitare et la basse sont prises par le même micro. Ouais. C'est ce qui me heurte un petit peu. C'est le côté mono, c'est le côté mono de la musique. Et en plus, Nico, il est devant. Voilà. Très bien. Tiens, on parlait tout à l'heure de concerts que vous avez fait et tout ça avec d'autres artistes. Est-ce qu'il y a des artistes de la région que vous appréciez, que vous avez envie de citer ce soir? Ah oui, bah tiens, on va citer le concert qui aura lieu demain au patio de la Chaulerie, avec les Brunettes, nouvelle formation à 4. Ouais. Enfin, changement. Qu'on a eu l'occasion de voir il y a 15 jours. Il y a 15 jours, c'était avec The White. Et un groupe hollandais qui s'appelle The Covid. The Covid, voilà. Voilà, donc c'est à 19h au patio. D'accord, ouais, c'est vrai que ça c'est une des dates à annoncer. Tiens, j'ai une deuxième date aussi que tout à l'heure j'ai eu Christophe qui était au téléphone, qui m'a dit oublie pas d'annoncer aussi, donc le vendredi 12, donc ça sera la semaine prochaine, nous on sera ici dans l'émission Mavrica. Si vous êtes au concert, vous serez excusé, hein, parce qu'on excuse les gens qui écoutent pas l'émission parce qu'ils sont au concert. Parce que le plus important c'est quand même d'aller voir les artistes en direct live. Il y aura le podcast, vous inquiétez pas. Donc ça se passe au Demon Bar, donc c'est à Outarville, 45480. Quatre grandes rues, donc à Outarville, et il y aura deux groupes. Il y aura le groupe Prisma, donc un groupe qu'on connaît bien, qui a déjà participé à America Live, et voilà, c'est des gens qu'on apprécie depuis longtemps et qu'on diffuse assez régulièrement dans l'émission America. Et il y aura aussi Cougar Toy Boy, donc du glam. C'est du glam rock. Région parisienne, et donc le groupe Prisma, c'est du hard rock de la région centre, voilà. Donc il y aura l'ouverture des portes, elle est à 18h, début des hostilités, donc parce qu'il y aura des hostilités, hein. C'est comme ça, hein. C'est le côté rock'n'roll, à partir de 19h, et les gens pourront passer l'après-midi, la soirée en tout cas, là-bas, sans problème, puisqu'il y aura de la restauration sur place, voilà. Donc ça, on l'a annoncé. Ah ouais, il y a aussi le PAF, donc c'est 8€ pour voir deux groupes, c'est vraiment donné, hein. Qu'on ne lui dise pas que c'est une question d'argent si on sort pas. Hein. C'est parce qu'on est bien à la maison devant les écrans et c'est un petit peu dommage de pas aller applaudir les artistes. Plutôt dans la plaie. Et donc le 8€ donc en prévente, et si vous allez sur place, ça sera 12€ pour la peine. Voilà. Donc ça pousse quand même les gens à acheter en prévente et donc à aller sur des écrans encore avant d'aller au concert. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, le message est passé. Donc Prisma en concert. Avec Cougar Toy Boy à Outarville le vendredi 12 décembre à partir de 18h. Voilà. D'autres concerts encore qu'on pourrait annoncer? Non, puis après c'est Noël. Hein. Ouais, après c'est Noël aussi. Ouais. Jingle bells, jingle bells. Donc c'est vrai, on a parlé tout à l'heure des Brunettes. Vous les connaissez, non, les Brunettes? Oui. Qui ne les connaît pas? Oui, qui ne les connaît pas. Oui, donc, puis là, bon, elles sont souvent en concert, elles vont voir aussi les autres artistes, ça c'est important. Donc, Oui, on les aime bien, les Brunettes. Donc je vais aller les voir, je les ai pas vus l'autre jour, je pouvais pas y aller quand elles ont joué au Dropkick avec The Wild et tout ça. Ouais, et Yeti, ouais. Voilà, et du coup, je vais me faire une joie d'y aller demain soir. Ah ouais, parce que là, elles assurent, hein, franchement, c'est bien. Ouais. Et moi, j'ai connu depuis le début, et ils ont beaucoup progressé, et puis là, ils ont un bon niveau, et puis ils interprètent des chansons. Voilà, un truc dans leur style, quoi. J'aime beaucoup, en tout cas. D'ailleurs, il va falloir qu'ils reviennent. Je les ai invités à revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont déjà venus une première fois et ils étaient venus à l'époque où ils étaient 6, hein, c'est voilà, ça. C'est ça. Et donc maintenant, il y avait deux chanteuses. Ils sont plus que 4. Ils sont plus que 4. Donc, le standard des groupes de rock. C'est souvent les 3. vous êtes trois. Vous êtes un de moins. Bon, bon. Très bien. Donc d'autres artistes que vous connaissez, non? Oh bah, on connaît un peu. Vous connaissez pratiquement tous les groupes d'Orléans. Hein. Bah, je suis moi. Ouais. Bah, il y a les Longo de Luck aussi, là, du coup. Il y a les Happy, hein, les Happy. Happy Go Lucky Band. Ouais, voilà, c'est un petit peu compliqué à dire au départ. Ouais, bon, on les appelle les Happy, ils sont heureux. Ils sont heureux. Bah, oui. Et ça, on voit bien. Et puis, ils ont un style. Moi, à chaque fois que je les écoute, ça me fait voyager dans les États-Unis. Ça me rappelle un peu les musiques de films. Parce qu'ils remontent loin quand même. Ouais. Ils remontent à la country, le blues, les origines de la musique qu'on écoute aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Ils le font très bien. Plus des compos qui sont super bien. Mmh. Ah ouais, on a eu l'occasion. Bah, t'étais au concert, donc. Avec James Legg, ils ont présenté 4 compos. Ouais. J'ai trouvé que c'était les meilleurs de tout le set. Ouais. Donc voilà, c'est bien qu'ils fassent des trucs à leur sauce parce que franchement, c'est bien. Donc ils viendront pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ouais, tu connais déjà Phil Twangy, hein. Ouais, qui est déjà venu à plusieurs reprises avec plusieurs projets différents. Ouais. Tiens, il était là encore la dernière fois avec Craig Waters, le batteur qui accompagnait justement James Legg. Il était venu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et il était venu avec Phil Twangy. Ouais. Et après, après il y a les autres musiciens qui viendront aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'autres groupes encore que vous connaissez? Oh, énormément de groupes. Énormément. Tu sais, moi je bosse dans des studios de répète. On bah a, oui. Là, depuis la rentrée, on a quelque chose comme 130 groupes inscrits, quoi. Ah oui, ça m'étonne pas. Hein. Ouais. Non, je suis en train de bosser sur le premier EP d'un groupe qui s'appelle The Strax. Ah. Je pense que ça, les gens vont en entendre parler. Et ils vont sérieusement nous faire de la concurrence, les gars. The Strax. Il va falloir qu'on s'accroche, les Twisters. Un petit groupe de. C'est des jeunes, non? De hip-hop. Ils sont plutôt de ma génération, donc d'accord. On va dire, ils sont plus. Non, je crois qu'on est jeunes jusqu'à 37 ans, c'est ça? Ça fait un mal. Non, après vous. 2 ou 3 ans, non? Voilà, ça existe déjà depuis un moment, mais là, en fait, plus ça va. En fait, plus leur set en concert est composé de leurs propres compos. Et ils sont attachés à faire de la Britpop un peu léchée et tout ça. C'est pas facile de composer des morceaux comme ça, très ciselés, quoi. Très bien, c'est un groupe que je connais pas, mais que j'aime bien intéresser. Ouais. Voilà, et je pense que tu vas en entendre parler dans pas longtemps. On est en plein enregistrement, en fait, en ce moment, de leur premier EP, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on discute souvent avec les groupes et tout ça, et ils me disent on connaît Gwen de Polysonic, etc. Je dis qui ne connaît pas Gwen? Tout le monde le connaît, voilà. Geneviève. Ça va rester. J'ai envisagé de changer de prénom pour être tranquille. Salut Geneviève. Bah Geneviève. Ouais, ça pourrait être sympa ça. Après 23 heures. Non, mais en même temps, Gwen, c'est vrai que moi j'en connais qu'un, donc c'est toi, à chaque fois qu'on parle de Gwen. Très bien. Encore d'autres artistes ou non? Oh, bah écoute, non. Non. Après sinon, il y en aurait trop. C'est un truc, quoi. Ouais, j'ai des copains de Passion Z aussi qui me font bien marrer. Ouais. Ils sont déjà venus ici. Ouais. Ça fait un moment d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est une communauté de musiciens. RN6. Moi, je me souviens qu'il y avait. Les RN6 aussi, ouais. Il y avait un ancien fanzine, il y a, je sais pas, 20, plus de 20 ans de ça, qui s'appelait L'Oreille, et qui avait essayé de recenser tous les groupes d'Orléans et l'Aglo. Et ils étaient arrivés à un chiffre autour de 300, un truc comme ça. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Et finalement, on a un peu tout le temps. On en croise un de temps en temps, mais j'ai plus le nom d'un gars qui croque un petit peu, qui fait du fanzine. Je crois que c'est Franck son. Ah, c'est possible. Je l'ai rencontré 3 ou 4 fois. Écoute, Franck, si tu nous écoutes. Ouais. Viens les croquer. Ouais. Viens croquer avec Geneviève. Je sais pas si je vais faire un troisième morceau. Tiens, ça me rappelle, tiens, il y a aussi un truc qu'on va annoncer puisque c'est demain. C'est Hervé J'apprécie, est-ce que vous connaissez, non? Non. Donc moi je connais pas encore, mais il fait régulièrement des trucs sur les musiciens et c'est un petit déjeuner musical, ça se passe demain, donc le 6 décembre à 11h à Saran, à la médiathèque de Saran, simplement. Donc c'est quelqu'un, on me l'a présenté, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui a la même passion que nous, hein, qui aimons la musique, et qui fait des petites chroniques sur différents artistes, donc ça serait même intéressant aussi qu'il fasse une petite chronique sur vous, alors si vous le connaissez pas encore. écoute, nous les chroniques, on apprécie. Bah ouais, voilà, c'est toujours bien de parler des groupes. Et justement, je l'avais rencontré la dernière fois, c'était, il a été au concert de Daran. Donc là, je crois qu'il va nous faire des petites chroniques sur Daran. Vous connaissez Daran, non? Ouais, ouais. Daran à l'échaise, de Dormir ouais, d'or, etc. Et il y a quelques temps, il était au Bouillon. Et franchement, c'est un bon artiste et je regrette pas d'y avoir été pour l'applaudir, en tout cas. Donc voilà, donc ça se passe demain à 11h à Saran, à la médiathèque, et c'est le petit déj musical avec Hervé J'apprécie, et vous pouvez le retrouver sur j'apprécie.fr si vous vous intéressez à son travail. Voilà, donc encore un petit message pour tous les gens qui sont intéressés par la musique. Voilà, on écoute un autre morceau. Ah bah volontiers, bah oui alors. Donc on en est où de l'album? Non, parce que... Mais All Alone. All Alone, bah justement, c'était celui qui venait juste après. Donc, on va écouter All Alone. Comme ça, on suit le déroulement de cet album. Voilà. Alors pour ceux qui, pour contextualiser le morceau, c'est un morceau qui parle du ménage qu'on fait tout seul à la maison. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez pénible. Et on a décidé d'en écrire une chanson qui s'appelle All Alone, tout seul. Voilà. Très bien. Bon, on écoute tout de suite alors. Bon, bah, c'est bien. Non, hey, on a des trucs, normalement, c'est automatique, mais ça marche pas. Ah, bah là, ça y est, c'est reparti. C'est parti. J'ai beau le savoir, hein, ça finit brutalement. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ce soir, nous recevons les Twister Covers. On vient d'écouter deux morceaux à la suite. On a écouté d'abord All Alone. Et à l'instant, c'était Falling Rain. Donc, le premier morceau de cet album qu'on a écouté tout à l'heure en mode restreint dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Cette fois-ci, c'est la version de l'album, donc la version studio. Il nous reste encore quelques morceaux. On est dans les temps. On va réussir à diffuser tous les morceaux. Et il nous reste aussi un live à interpréter en direct, hein, c'est ça, hein ? Ah oui, oui, si vous le voulez bien. Un seul live et puis plus suivant les rappels, c'est ça, hein ? Ouais. Non, ils ont prévu un seul, je crois. Oui, après, c'est notre batteur, il se fatigue vite. Le batteur, il n'a pas la moelle ce soir. Non, il a été réglé pour trois titres. Hein. Ouais, on l'a pris pour trois titres, mais je ne sais pas si trois titres, il parle pas au micro, je sais pas. Il est timide ou il est malade. Je crois qu'il est malade. Ou hein. Il ne sait pas parler. Non, enfin, bon, il assure quand même la batterie. Ah, il assure. Ouais, ça va. Il est fidèle. Il est fidèle. Voilà, très bien. Donc, on a écouté cette version studio, la version qu'on retrouve sur cet album qui s'appelle 3. Free, Tres. On peut continuer encore longtemps. Enfin, ça, c'est les langues que je connais à peu près. Après, ça se complique. Dry. Et après, en norvégien, comment on dit en norvégien? Je sais pas du tout. Moi non plus. Food. Je sais pas. Ah bah voilà, on est ignorant. On connaît pas toutes les langues. C'est un petit peu dommage. On est un petit peu limité. Ouais, on connaît des choses, mais on peut pas tout connaître. Donc, on est plutôt spécialisé sur d'autres chose. Enfin, c'est l'album numéro 3. Où est-ce qu'on peut se le procurer, cet album-là? Alors, la méthode la plus simple pour l'instant, c'est vous allez sur le Bandcamp des Twister Covers. Donc, ça peut être bandcamp.twistercover, un truc comme ça. Enfin, bref, vous cherchez sur un moteur de recherche, vous allez trouver. Et là, vous avez toute notre discographie qui en écoute illimitée, gratuite. Et si vous voulez un CD ou un vinyle, vous pouvez en 2-3 clics le commander. Et on vous fera une joie de vous l'envoyer par la poste avec une photo dédicacée de GG avec une moustache. Oh, voilà. D'accord. C'est qui édicacé? Parce qu'une photo dédicacée. Il est tard, ouais, c'est okay. Donc voilà, et après, on annoncera ça, mais peut-être qu'il y aura un dépôt régulier. Pour avoir les vinyles et les CD sur Orléans. D'accord. En centre dans l'Orléans. Mais ça, c'est pas encore dealé ce truc, mais c'est possible. Et on peut retrouver tous vos CD jusqu'à exactement. Présent exactement. Vous avez encore du stock sur les anciens et tout ça? Oui, sauf le premier. Le premier est collector. Ouais. Ouais. Moi, il m'en reste un et je suis pas prêt de le vendre. Hein. Ou alors, il faudra... Le premier, il est épuisé. Hein. Je sais que ça m'est déjà arrivé, il y a une fois, c'était tout le début de l'émission d'Africa, donc il y avait un groupe qui m'avait laissé un CD, et ce CD, je l'avais conservé, et je l'avais même en double. Je sais pas pourquoi, il y en avait un qu'on devait faire gagner, que je n'avais pas fait gagner, et un jour, je regarde dans ma truc, il y en avait deux, donc je tiens, et je voulais le faire gagner, justement. Et là, je suis tombé et je dis, c'est l'ingénieur du son du Maverick Alive, donc c'est Clément, qui faisait partie de ce groupe qui s'appelait See You Soon à l'époque. Ouais. Et j'ai été le voir, j'ai dit, au fait, j'ai un tes disques encore et on va le faire gagner ce soir. Et il m'a dit, ah, tu l'as, sans moi je l'ai plus, je l'ai plus, tu peux pas. Je dis, écoute, je vais te le rendre alors, parce que finalement, il était devenu collector, même lui, il l'avait plus. Voilà, et donc, du coup, il était content de retrouver son CD qu'il m'avait laissé quelques années auparavant. Et donc, comme quoi, c'est vrai que des fois, on peut avoir plein de CD comme ça, où on se rend pas compte de la valeur, on les donne, et quelques temps après, on dit, ah, j'aurais bien gardé un exemplaire, ou deux, ou trois, pourquoi pas, parce que, pour faire partager encore, et c'est vrai qu'il y a des trucs, mais heureusement, il y a quand même les fichiers audio que vous pouvez écouter sur Bandcamp, non? Surtout en intégralité. Vous avez quoi? Vous avez des vinyles aussi du dernier album et du dernier album aussi, oui. Et du dernier, celui d'avant, là, c'est vrai. Et vous avez quoi? Des t-shirts, des pins, des... Alors des t-shirts, il en reste quelques-uns. Ah ouais. Me semble qu'il nous en reste une poignée. Qu'on donne un petit peu aux gens qu'on apprécie. Et puis on fait des petits cadeaux, on fait des promos en concert, ça nous sert à faire des petits cadeaux. On a des badges, des stickers, mais pour l'été prochain, c'est un peu dans les projets du groupe, c'est de faire des beaux t-shirts. D'accord. Voilà. C'est vrai que les gens qui vont vous voir au concert comme ça, ils aiment bien ramener aussi quelque chose. Bah surtout quand ça leur a plu, ils ont passé une bonne soirée. Et c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui aiment bien. Moi, je suis comme ça un peu. Et on parlait avec Peter Krasikash qui était là la semaine dernière. Il me disait, lui, il avait une cantine de l'armée là, remplie de flyers parce qu'il les garde. Il les garde, des affiches, des flyers, des machins. Il gardait tout ça parce que bon, c'est aussi l'histoire du rock'n'roll. Et pour l'instant, on se rend pas compte, mais dans 10 ans. Temps, il y en aura pas d'autres, donc ça sera la mémoire. Il y a des bonnes choses depuis longtemps. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de personnes. Vous m'avez parlé de Pierrick. Pierrick, ouais. C'est celui qu'on connaît avec la grande barbe, voilà. Il est à l'autre bout du monde. Il est en Australie. D'accord. Ah ouais. Et c'est le papa de Yavanna. De Yavanna, ouais. Bah moi, je l'avais connu à l'époque. C'était comment ça s'appelait l'infrarouge. Donc ça remonte il y a pas mal de temps. Et j'avais discuté avec ce monsieur-là que je connaissais pas et j'avais fait connaissance, etc. Et quelques temps après, j'ai connu Yavanna et j'avais pas fait le rapprochement entre les deux. Et un jour, ils sont venus tous les deux ici. Et donc maintenant, je le sais. Hein. Et Pierrick, lui aussi, connaît beaucoup de choses. D'ailleurs, on fera une émission avec lui. Parce que moi, l'émission, elle a commencé en 2010. Donc l'histoire du rock'n'roll, j'ai suivi depuis 2010. Mais avant, lui, il avait connu le début depuis les années 80. Hein. Il peut nous raconter la scène orléanaise, donc avec plein de groupes. On en a fait partie. Oui, elle est privée. Elle est privée, oui, ça fait partie des groupes. Civil Radio aussi. Les Civil Radio, c'était de Paris. Non, c'était d'Orléans. Non, pardon, j'ai compris. Comme une terne secte, bien entendu. Comme une terne secte, ouais. Moi, j'étais à l'école avec Thomas, le batteur des Comme une terne et aussi des Burning, voilà. Et puis, voilà, il y a plein de. Bloody Witch. Les Bloody Witch, ouais, je me souviens des Bloody Witch, un groupe de hard rock, avec les cheveux longs et tout ça. Ah oui, et je me souviens, il y avait aussi les lycées, donc Potier, Benjamin, Jean Zay, et il y avait les flyers qu'on distribuait à la fin, et on voyait le nom de ces groupes-là, et puis après, il y avait des soirées qui étaient faites, tout ça. Donc voilà, ça fait... Cry Babies aussi. Les Cry Babies. C'est les années 80, ça. C'est fin 80. Ouais. C'est les Canassal du Baron. La salle du baron. Très bien, donc voilà. Et c'est vrai que c'est bien de raconter un petit peu l'histoire parce que finalement, il y a déjà plusieurs générations de musique, de musiciens qui ont fait un peu bouger Orléans et donc c'est bien d'en reparler hein, depuis l'histoire du rock'n'roll en tout cas. Très bien. Donc là, on continue l'histoire avec les Twister Covers. Et on continue de découvrir cet album. On va écouter encore un morceau à la suite. Il nous en reste 4 à diffuser. Et puis un live aussi. Oui. Voilà. Ah, c'est toujours d'actualité. Et ouais. Le chiffre 3 en norvégien, ça se dit très. Très. Très. Ah, bah, très. Merci, Lia. D'accord. Et, bon, cherche en russe, on le dira. Ah, pas. Voilà. Alors, ça peut être intéressant. Allô, Poutine. Au cas où on est envahi, on pourra au moins dire certaines choses. Voilà. Très bien. Donc, on va écouter la suite. Donc, le morceau numéro 7 qui s'appelle Fast Lane. Fast Lane, ça se dit comme ça, ce qui veut dire tout à fait. C'est la ligne droite qu'on peut voir un petit peu sur les autoroutes et tout ça, la ligne blanche, là, Fast Lane. D'accord. Voilà. Il y a le côté rapide. Il y a le côté vitesse. Ouais, ouais. Vitesse. Très bien. C'est donc. C'est notre passion pour les voitures. D'accord, vous êtes venu en voiture de sport là ce soir, hein, c'est ça hein. Oh oui, une bonne vieille Peugeot. Voilà. Très bien, on écoute tout de suite les Twister cover avec Fast Lane. Remember that forever with you locked in a fast lane. Feeling through the rain. How many days have you before you leave the right side? You know time has come. You have to cross the line. No, I won't hate you. Keep up and break you down. And you won't go the wrong way. Time has come. You try to flee your own lies. So far as you can, you have to cross the line. How many days have you before you leave the right side? You know time has come. You have to cross the line. I won't let you give up and break you down. The wrong way around. Listening to W Mavrika on Radio Arc-en-Ciel. Que le rock and roll soit avec vous. You Ils sont décidés, hein. On passe deux morceaux et il y a un troisième qui se cale automatiquement, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel et on vient d'écouter deux morceaux à la suite, deux morceaux de l'album des Twister Cover qui nous présente ce soir, qui s'appelle Tri en russe, voilà. Pour le... C'est cela même, c'est cela. Tri, voilà. Parlait du Kazachok tout à l'heure. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Et au début, il dit ça, tri. Ouais, je ne me souviens plus comment on dit 1, 2, mais le 3, on le sait. On va le chercher. On fait une émission culturelle où on apprend le russe. On apprend. Ça pourra nous servir plus tard. Ouais, mais et en même temps, on s'intéresse à plein de choses dans l'émission Mavrika. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je viens ici, les auditeurs apprennent des choses, mais moi aussi, j'apprends. Grâce à nos invités, on se pose des questions comme ça, on les résout en direct parce que aujourd'hui on est quand même cerné par l'internet, l'IA, etc. Donc on arrive à tout savoir au moment où on se pose la question. Donc c'est très simple. Du coup, comme on peut tout savoir, on retient moins, et comme on retient moins, on devient de moins en moins intelligent et de plus en plus dépendant de des connexions, etc. Donc c'est ce qui est aussi un petit peu dangereux. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On va parler un peu de philosophie maintenant. C'est vrai qu'il y a eu des émissions où on était carrément parti dans la philosophie. Mm-hmm. Je me souviens certaines où il fallait s'arrêter un petit peu parce que on n'était plus dans le domaine de la musique. Hein. Une fois aussi, on était parti avec les Tomia. Vous vous souvenez des Tomia? Non. Tomia. Oui. C'est quoi? Ils étaient partis sur les extraterrestres parce qu'ils y croient dur comme fer et donc ils voulaient faire une émission sur les extraterrestres en disant voilà, ce qui aurait été intéressant aussi. Hein, ouais, mais bon, pourquoi pas? Bili. Donc voilà, il nous reste deux morceaux à interpréter. Vous voulez interpréter quand le dernier morceau en live? Là, tout de suite, là? Je sais pas. Vous êtes accordés, les gars? Vous êtes accordés? Ouais. Sinon, on envoie un son et puis on se prépare pendant ce temps-là et puis on fait comme ça. On peut faire ça. Donc on va suivre et on garde le dernier pour la fin de l'émission. Comme ça, on se quittera sur le. Parce qu'en plus, il n'a pas encore été joué par toi sur l'album le morceau qu'on va interpréter. D'accord. Il s'appelle Some Kind of Music. Ah bah c'est celui qui était calé juste qu'on allait passer là. Il faut passer celui d'après. Donc, on va passer celui d'après. Ouais. The Way of a Gambler. Voilà. Et puis on garde celui-là pour la fin. Donc là on va écouter la version en direct live dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Ouais. Some Kind of Music. Ouais. Une sorte de musique. Et concernant le morceau The Way of the Gambler. Ouais. C'est donc celui-ci. Interprété par l'IA. D'accord. The Way of the Gambler. Je vous invite à le regarder, à aller sur la vidéo. ça me rappelle, on va revenir sur le morceau All Alone. Et là, il y a carrément des cuivres et tout ça là-dedans. Ouais, t'as remarqué. Ah oui, encore, je voulais en parler après. Ouais, en fait, on a convoqué des mecs du conservatoire, une section de cuivre. C'est des vrais cuivres alors, hein. Ouais. Les mecs, ils sont venus gentiment, ils ont pas mis longtemps, hein. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué comme. Gégé est un gros menteur. C'est pas du tout ça. Ouais. En fait, non. C'est, en fait, j'ai appris rapidement à jouer de la trompette, du trombone et du saxo, et puis je me suis enregistré, moi-même, pour faire une section. C'est vrai? Mais non, c'est lui qui est un menteur. Il joue du pipeau aussi. Du banjo, pardon. Non, c'est des vrais samples de cuivre. D'accord. Mais joué au clavier. C'est vrai, par contre. Donc, c'est des samples joués au clavier. Voilà, des vrais samples. Donc, quand je dis vrais samples, c'est des vrais instruments. Des vrais sons. Enregistrés en studio. Ouais. Et qui sont joués, effectivement, au clavier. D'accord. Par moi qui sont eux-mêmes. Que j'ai recalé quand même avec une précision. Avec la technologie. On peut faire plein de choses. Mais il faut quand même avoir la créativité. Parce que la technologie. Et le temps. Mais c'est vrai que là, on vous dévoilait tous les secrets de fabrication, finalement. Parce qu'on peut se poser la question, effectivement. Ça pouvait être. Moi, j'ai écouté le son. Dire que c'était un vrai son ou pas, c'est pas évident. J'aurais pu croire, justement, que c'était des gens du conservatoire. Pu voir une histoire, Ouais, tout à fait, ouais. Je suis un bon menteur, hein. Bon, après, il y a plein de petits effets spéciaux. Ça reste joué, de toute façon. Oui. Au final. Aussi pendant vos interprétations, on a pu écouter la fameuse cloche. Donc là, on a entendu le son bien particulier. Pas tout à fait de la même manière, mais il faisait de la rythmique derrière. La cloche, oui. La cloche qui est là dans les studios. Donc on va l'entendre dans la prochaine chanson ou... Je ne sais pas, selon l'inspiration, on verra. Ok, on verra. C'est sur le moment, il va se décider s'il met la cloche. On verra si donc cloche, on va écouter tout de suite The Way of the Gambler. Après, je vais me mettre en position pour retrouver à peu près la position des potentiomètres qu'on avait tout à l'heure. Et après, vous interprétez donc en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel Some Kind of Music. Voilà. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et l'émission de ce soir, c'est l'édition numéro 664. Et elle est consacrée au groupe Twister Cover. It's my town, stranger. Things here get done my way. Clear. Hey, Mr. Drake. How did I lose last night? Lucky you, baby, now I'm all of a kind. It's just the way of the gambler. The gambler's always on the run. Ça fait vraiment style western, voilà. Donc c'était le morceau qui s'appelle The Way of the Gambler. Donc c'est le dernier titre de cet album qui s'appelle Tri en russe, Tres en portugais, en espagnol, et Free en anglais, et c'est Trois en français, tout simplement. Donc, Roulons les airs. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc là, j'ai pané un petit peu comme on était tout à l'heure, et puis on va baisser la petite musique de fond qui ne sert à absolument à rien, puisque c'est vous qui allez avoir le monopole des ondes de Radio Arc-en-Ciel dans les minutes qui suivent, et vous allez interpréter donc Some Kind of Music en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre ami Bill Bully qui est batteur pour l'occasion. Professionnel. Come on, Bitbully, come on. Ça y est, il se prépare. Wow. Bravo, bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Twister Cover avec le titre Some Kind of Music. Voilà, c'était en direct live. Voilà, bravo, on les applaudit encore une fois, hein, franchement. Oh, le batteur, dis donc, il est des... Bon, je crois qu'il a transpiré. Je sais pas pourquoi, mais c'est et je l'ai vu transpirer, il faut falloir le... Le chanteur qui lui met des coups de poing. T'es toujours là, Big Belly? Il nous fait un petit solo de batterie. Il est toujours prêt. Hein. Toujours prêt, franchement. Et il a donné. Il parle pas pendant les pauses. Hein. Il parle pas pendant les pauses. Non, il part pas non plus. Il va pas boire de bière. Rien. Non, mais enfin, bière, là, il va falloir le réhydrater parce que je crois qu'il a vraiment tout donné. Il a vraiment tout donné. C'était. Le top, en tout cas, le batteur en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Bon, il est retourné dans sa boîte, hein, tout simplement. On lui donnera à manger tout à l'heure, et puis ça se passe comme ça. N'empêche, félicitations à Mavrika et à toi, Albino, parce que des sessions live d'artistes en radio, c'est vrai que c'est un truc. Je crois qu'on doit être les derniers au monde. C'est rare et précieux. On doit être les derniers au monde. La galaxie, peut-être. Ouais. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que justement, je me suis dit, les groupes vont pas se prêter au jeu parce que voilà, c'est quand même des risques, c'est quand même. Mais on aime bien parce que c'est le côté humain, le côté voilà, ça sort comme ça, ça sort comme ça, ça sort. C'est un autre exercice. C'est rigolo, quoi. C'est bien, ouais. Voilà, on peut pas se comparer à ce qui est fait en studio, mais voilà, c'est quand même. Si c'est un studio là. Ouais, c'est un studio, mais c'est pas un studio d'enregistrement, c'est pas repris, c'est pas, il y a pas d'effet, il y a rien. Donc voilà, on aime bien le côté direct, le côté old school, côté vivant. Voilà, on aime bien le côté live. Voilà. J'ai rien fait là. Et là, j'ai rien fait, il part tout seul le truc. C'est l'IA. Il y a un truc qui a pris le contrôle de mon ordinateur là, je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas bien grave. Là, vous avez interprété un morceau en direct live. Il y a une question que je vous ai pas posée encore, c'est d'où vient le nom Twister Cover? On avait dit qu'on poserait pas cette question, quoi. Parce que cover, les gens pensent tout de suite que vous faites un cover d'un groupe. La vraie histoire, c'est qu'on galérait vraiment à trouver un nom de groupe, et c'est notre premier batteur, notre copain Eric Goulax, si tu nous écoutes, un petit salut, voilà, qui a trouvé ce nom-là, et on lui a demandé ça veut dire quoi, et en fait il a pas su nous répondre. Donc on a dû inventer un petit concept autour de Twister Cover. Donc Twister, c'est la tornade, cover, ça peut être une reprise. On s'est dit, voilà, Twister Cover, c'est une sorte de tornade de morceaux avec des reprises, des compos. On ne sait plus, on ne sait plus avec un mélange de ça. C'est un mélange. Cover, c'est aussi recouvrir. Donc, ça peut être sous la couverture. Il est chaud là. Ça peut être ça, la tempête sous la couverture. Ça peut être une tempête enveloppante et de morceaux. On ne sait plus quelle est la reprise, quelle est la composition originale. On ne sait plus quoi. Est-ce que vous faites des reprises de fois? Alors ça nous arrive, on en fait quelques-unes, pas beaucoup, hein. Pas des basses, mais là en ce moment sur les sets, sur nos concerts, c'est principalement des reprises d'artistes irlandais, bizarrement. Un groupe de d'Irlande du Nord qui s'appelle Undertones. Alors on fait du Undertones, du Stiff Little Fingers aussi. D'accord. Tous ces groupes-là sont toujours en activité. Morrison. Van Morrison, grand artiste aussi. Et de temps en temps, on fait un Rory Gallagher aussi. On aime bien Rory Gallagher. Très bon artiste. D'ailleurs, c'est l'artiste préféré de Mousse qui était là hier dans ton émission. Comme par hasard. Ouais, vous connaissez Mousse aussi. Qui ne connaît pas Mousse, hein. C'est quand même un des bassistes les plus connus. Exactement. La région orléanaise. Ouais. Très bien. Donc voilà pour le nom, on a donné une explication. voilà, on va retenir comme ça. Donc on a vu. C'est un nom qui veut rien dire, quoi. Ouais, mais il se retient bien. Mais par contre, il se retient bien et voilà. Ça sonne bien. Ça sonne. Voilà, ça sonne américain, australien, anglais, irlandais, etc. Donc ça fait partie des trucs. Vous êtes plus un groupe de live ou un groupe de studio? Un peu des deux. Hein, un peu des deux. Vous êtes quand même. On prend plaisir à faire du live. Parce que là, le studio, on y a pris goût aussi. On aime bien faire nos petites compos. Oui, parce petites, que. Nos petites popotes, quoi. En plus, chez Gwen, quand on répète chez Gwen dans son petit studio, là, enfin, c'est un mini studio, on fait des maquettes, tu vois. Avant de les enregistrer, tu vois, on fait des maquettes pour voir un peu. Puis c'est confortable. Ça sonne, quoi, tu vois. D'accord, donc vous faites des maquettes, c'est pour vous réécouter quand voilà, c'est pour travailler, bosser. Pour bosser, c'est pour bosser, en fait. Ouais, c'est pour travailler les morceaux. Après on réécoute, on se dit bah tiens, ça y est, tu vois. Vous corrigez, on tout corrige, ça. Et puis, c'est un plaisir aussi de voir ces compositions qui commencent à être abouties de plus en plus. Ouais. Ou alors d'avoir du recul, de pouvoir enregistrer par exemple une prise de basse une semaine et puis la semaine d'après poser une idée de guitare qui a germé entre temps. Ça aide pour les enregistrements aussi. Ah bah, et puis coup, ça permet de travailler les voix aussi. Ah, ouais. Ah oui, ben ça, c'est vrai. Nos voix de rossignol. Voilà. C'est ça. Et en plus, est-ce que vos morceaux que vous interprétez, par exemple des morceaux que vous interprétez depuis pas mal d'années, est-ce que vous les interprétez de la même manière ou est-ce que vous continuez de les faire évoluer? Bah, disons qu'on les chante. Il y en a certains qui évoluent quand même. Ouais, et puis même au niveau du chant, tu vois, quand tu as une chanson que tu as chantée pas mal de fois, après tu ne l'interprètes plus exactement comme au début, quoi. Tu vois, Il y en a qui sont bien arrêtés, mais il y en a certains qui bougent encore un peu. Hein. Oui, et puis on ne s'interdit rien, en fait. Ouais, c'est ça. Plus le temps passe, moins on a de barrières, en fait, qui sont des barrières un peu stupides, en fait, d'avoir des morceaux figés. À vie. Comme en fait, on fait ce qu'on veut. En fait. Dans l'album, il y a quelques arrangements, comme tu as repéré tout à l'heure. Voilà. Ouais. Qui n'a pas forcément. Ouais, voilà, en live, c'est pas évident de le faire. Si. Qui pourrait. Ça pourrait live, il faudrait une section cuivre en live. Ouais, mais justement, ça peut être aussi des idées. Justement, s'il peut y avoir dans un concert un intervenant, voilà, on n'attend pas. Et hop, il monte sur scène avec un guest. Voilà, ça peut être sympa aussi. Ça, on se l'interdit pas. Non, peut-être qu'un jour, on jouera avec un orchestre philharmonique. D'Olivet ou de Saint-Privé Saint-Rémin, on ne sait pas, tout est possible avec les Twister. Ah, moi je pensais Sydney ou Londres, non? Ouais, c'est... Alors, Sydney. Bon, ok. J'ai un grand pote qui vit là-bas, ce serait l'occasion. Oui, il y a notre agent Pierrick, si tu nous entends. Pierrick, il n'est pas Sydney, il est à Perth. Ah bon? Ah, d'accord. Alors, c'est pas dans le web. Enfin, il est sur mais il peut écouter quand même, là. Ça passe le web là-bas. Oui, tout à fait, c'est mondial. Voilà. Donc très bien. Donc vous êtes un groupe aussi bien de live que de studio. Oui, c'est différent. Les deux sont complémentaires ouais, hein, de toute façon. Ouais, ouais. Exactement. Parce que c'est bien aussi d'avoir des bons supports pour passer à la radio. Donc on fait découvrir les groupes à la radio. On peut acheter le CD, l'écouter à la maison dans sa chaîne Hi-Fi avec des enceintes, avec des gros parleurs. Et après, on peut la dimension au-dessus, c'est d'aller voir les artistes en concert. Et là, vous avez vraiment le bruit, les odeurs, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, j'ai une petite question. Vos compos, elles sont déposées? Oui. Oui, systématiquement, oui. Ouais. Ouais. Oui, on a eu l'habitude. Il vaut mieux les protéger. Oui, on les protège. Et puis, d'un autre côté aussi, ça. Des fois qu'il y a Pascal Obispo qui nous pique une mélodie. Ça. Mais en fait, puis on s'est dit, tu vois, en fait, on est sociétaires, ça sème tous les trois. Ouais. Et puis en fait, on a un billet de 20 euros dans un temps. Ah oui, quand même, ça. Aujourd'hui, ça reste quand même un organisme un peu de redistribution et tout ça. Donc on s'est dit, quitte à. Ouais. Ce qu'on gagne, en fait, c'est un peu moins que gagnera Jean-Jacques Goldman. Ou... Juste un petit peu moins. Parce que vous n'avez pas. On s'interdit pas. Vous n'avez pas trouvé encore votre Céline? Vous avez Geneviève, mais vous n'avez pas Céline? Non. On a Geneviève. Voilà. Et puis on a la grande Nicole aussi. Oui. Ça, on vous a pas parlé de la grande Nicole. Voilà. On va peut-être écrire une chanson un jour là-dessus. Bah, c'est vrai. Geneviève et Nicole. Tu pourrais la chanter. Geneviève et Nicole. En plus, c'est dans ma frangine. Ah bon, c'est vrai? Ouais. On apprend des choses sur Madrika, c'est dingue. Ouais, on apprend Gigi, tout sur la vie des musiciens. Les meilleurs musiciens viennent dans l'émission Madrika, et c'est le cas ce soir en tout cas avec les Twister Covers. En tout cas, on est content de vous recevoir. Donc c'est la deuxième fois que vous venez ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. Vous connaissez l'adresse. Dès qu'il y a de la nouveauté, de toute façon, vous êtes toujours les bienvenus dans le studio. Ah bah avec plaisir. Les trois heures passent à une vitesse pas possible. On est déjà à 10 minutes de la fin. Et c'est vrai que 3 heures, on se dit et on a réussi à tout caser quand même. Donc il nous reste un morceau pour la fin. On va prendre le temps de dire au revoir aux auditeurs. Donc est-ce que vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs? Écoutez, chers auditeurs. Oui, chers auditeurs. C'est une bonne nuit. Non. Donc là, il est en train de dérouler un papier là, très long. Il en a pour 2 heures à le lire. Non, chers auditeurs, faites ce que vous aimez faire et surtout écoutez de la musique, hein, parce que en fait, c'est passionnant la musique et puis ça fait du bien à tout le monde. En fait, c'est encore un des trucs qui reste positif dans ce monde hostile. Restez positif surtout. Et puis en plus, c'est l'occasion aussi d'aller au concert et de rencontrer des gens. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens ne sortent pas beaucoup. Et si on va même plus au concert, où est-ce qu'on va rencontrer les copains? Je suis content d'aller justement à des concerts, encourager des groupes, et puis applaudir aussi des groupes que je connais pas. Et puis en même temps, il y a toujours des gens que je connais. Voilà, on prend un peu des nouvelles. Et les musiciens eux-mêmes sont intéressés par la musique, donc ils vont voir aussi les autres groupes. Et puis c'est l'occasion de revoir d'autres, de rencontrer plein de gens, quoi, et puis de faire des connaissances. Et puis aussi, moi, j'en profite pour les inviter aussi dans l'émission Mavrika, et ainsi de suite. Alors, il faut faire vivre vraiment la musique dans la région orléanaise, parce qu'on a la chance d'avoir de bons musiciens, et ils ne demandent qu'à être plus connus, et nous, on demande qu'à les faire connaître le plus possible, quoi. Voilà. Bravo Albino, je pense qu'on peut l'applaudir. Ah oui. Merci. Merci pour ton émission aussi. Hein. Je voulais aussi remercier donc tous les auditeurs. On va remercier aussi Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission. Ça sera bientôt 16 ans, hein, 16 ans de l'émission Mavrika. 664, je sais même plus où j'en suis. 665. On a commencé en 2010. Ah ouais. Et donc au mois de juin, ça sera les 16 ans, quoi. Donc, quasiment comme nous, quoi. Quasiment les mêmes dates, tu vois. Ouais, c'est marrant. C'était 2009, mais ouais. 2010. Je le savais, c'est pour ça que j'ai fait cette émission au moment où vous êtes venu. Je me suis dit, comme ça, ils reviendront dans l'émission. Ils reviendront dans régulièrement. Ah oui, je savais pas déjà que ça allait durer 16 ans. Non, mais ils reviendront dans 16 ans. Ils viendront avant, j'espère. Ah oui, quand même. Non, parce que je savais quand. Ça va être dur. Il y aura la relève, j'espère. Hein, et j'espère que quelqu'un va prendre la relève quand même, parce que c'est important. Peut-être qu'on fera une session acoustique comme on avait fait la dernière fois. D'accord. Parce qu'on avait. On s'était remis à bosser en version un peu bluegrass et tout. Donc on les a adaptés. Ouais, il nous faut voir s'il a. Avec le banjo. Ouais, c'est sympa, ouais. On avait préparé un truc la fois. Faut laisser un peu de temps. Je suis en train de m'y remettre. D'accord. Mais je m'y suis remis que depuis hier soir. Donc faut me laisser un peu. Très bien, donc parce que c'est vrai qu'on a la possibilité de jouer en électrique comme on l'a fait ce soir, mais des fois aussi en acoustique. Il y a certains groupes qui jouent habituellement en électrique et qui ont fait l'effort de travailler leurs morceaux en acoustique pour l'émission Mavrika. Et quelques temps après, je les ai trouvés dans des bars en train de jouer en acoustique comme par hasard, parce qu'ils avaient découvert que finalement l'émotion passait aussi. Ça permet aussi d'aller jouer dans des endroits où on peut pas faire trop de bruit et des endroits plus restreints, un peu comme dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Donc des fois en amplifié c'est un peu compliqué. Donc, tu veux dire du bruit comme ça là, c'est... Wow, quel batteur quand même. Toujours prêt, c'est un vrai scout. Hein, ah oui, mais... Il lui tape un coup de poing sur un bout, mais il part au quart de tour. Il me rappelle un peu le batteur des Moped Show. Quoi. C'est ça. D'ailleurs, il ressemble un petit peu avec ses cheveux longs et tout ça. Moi, je trouve que... Mais il est toujours prompt à démarrer, tu vois, ça. C'est un retour. Et il est d'une régularité, j'avais regardé tout à l'heure. Un vrai maître. Billy Joe, là. Billy Joe. Wow. Ouais. Ah, les cymbales, comment il est remu, hein. Il maîtrise, là, ouais. Il est vraiment un grand batteur international. Vous avez la chance d'être accompagné ce soir par ce grand batteur. Ouais, d'ailleurs, Gwen a laissé la place spécialement c'était une opportunité prochaine. Ah, peut-être, oui, on verra. Voilà, donc, tiens, on a écouté tout l'album, et je me suis dit, comme on a un petit peu de temps, on va revenir un petit peu en arrière. Ah, on peut, ouais. Ouais, parce que j'ai cherché, bon, j'aurais pu en diffuser beaucoup plus. C'est un filou, hein. Mais c'est un des morceaux avec lesquels je vous ai découvert. C'est-à-dire, on devait même pas encore se connaître, mais j'avais déjà des morceaux de Twister Cover que je commençais à balancer un petit peu à l'antenne et que j'aimais beaucoup. Et, alors ça s'appelle BFT. Ah, oui, alors ça parle d'un grand sapin. Qui était à côté de mon habitation et qui a failli s'écrouler sur ma toiture. Voilà. D'accord, c'est le fameux sapin. Donc, ça s'appelle donc BFT, c'est The Big Fear Tree, c'est le grand sapin. D'accord. Voilà. Qui m'a bien fait flipper pendant toute une nuit, un soir de tempête. Voilà. Ouais, c'était avec Cynthia, c'est ça, non Cynthia, peut-être. Mais, ouais. Je sais pas. Oui, je me souviens plus. Ouais, donc ce morceau-là, il date depuis de combien de temps On le fait toujours. Ouais, parce que c'est un bon morceau. C'est vrai que moi, c'est celui que sur lequel j'ai accroché au départ, donc forcément, et que j'ai déjà diffusé pas mal de temps. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je diffuse plutôt les dernières, et là, on va prendre le temps d'écouter ce petit morceau. Voilà, ça va nous rappeler de bons souvenirs. C'est parti. Voilà, jusqu'à la dernière note. C'est vrai que le morceau, il est court. Il fait même pas 2 minutes. Hein. C'est un des morceaux les plus courts. Ouais, c'est des courts, ouais. Et pour l'anecdote, on entend dans les chœurs de ce morceau, il me semble qu'il y a la participation de Pierre, le premier chanteur des Burning Heads. C'est lui qui nous avait enregistré en fait sur cet album-là. Pete Sampras. Voilà, si tu nous écoutes, Pete, au plaisir. Très bien, donc et c'est vrai que c'est un bon souvenir, un très bon morceau. Avec vous, c'est vite et speedé quand même. Donc c'est, je sais pas combien de BPM il fait. Et, enfin, en tout cas, il fait moins de 2 minutes. Donc c'est des morceaux un peu à la Ramones, quoi. Finalement, ouais, mais bon, on aime bien aussi quand c'est comme ça. Voilà. Très bien. Et comme ça, ça permet de, pendant que certains interprètent 3 ou 4 morceaux, vous en interprétez 10. Bah ouais. Voilà, ça permet de jouer plus de morceaux. Quand on a joué l'audio drop. Kick, là, les Moonball, ils ont fait 8 morceaux, nous on en a fait 17, tu vois. D'accord. Avec le même temps. Non, pas. On a joué plus longtemps qu'eux, en fait. Ouais, je pense. Très bien, donc on va remercier, tout à l'heure j'étais dans les remerciements, on va remercier aussi Florent qui nous fait le podcast. Et Florent m'a dit, tu peux annoncer que le podcast sera prêt dans la nuit. Donc dans la nuit vous pouvez l'avoir. Eh ben, je vais mettre mon réveil. Hein. Hein. Je vais programmer mon réveil. Ouais, moi aussi, à quelle heure de 4 heures, non? Non, mais ça couche tard ou un lève-tôt et Stanard il bosse bien et vite. Et... Ben, il est au Portugal, c'est ça? Non, lui il est en France. Il est en France. C'est le webmaster. Le webmaster. Tiens, t'as le bonjour, de Pierre Boisseau. Ouais. Alors, je connais ce monsieur-là, oui, effectivement. Ouais, j'avais partagé aussi un truc, c'est que avec l'IA, il s'inquiétait et tout ça. Et je dis ouais, mais dans l'IA, il manque quelque chose. Et puis Pierre, il y avait des gens qui lui avaient fait des compliments. Et moi, j'ai dit ouais. Et puis chez les personnes humaines, il y a quand même le talent. qu'on ne le remplace pas. Donc les machines pourront être au point et tout ça, il n'y aura pas l'émotion que donne un être humain. Donc Pierre Boisseau, en plus, qui écrit des très beaux textes, qui interprète des superbes chansons, qu'on a eu la chance d'avoir en interscène lors d'un Mavrica Live, et que depuis j'ai pas vu, donc à l'occasion, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouvera ici dans les studios ou alors en concert. Voilà. Tout à l'heure aussi, il y a Florent qui écoute toujours les émissions et qui nous contrôle. Hein. Donc il a dit touche à rien, tout est bien réglé hein, pendant les lives. Donc le son devrait être pas trop mal. Donc c'est rassurant. Merci. Voilà. Il faut savoir qu'on a un très bon groupe aussi. Faut se lancer des fleurs de temps en temps. Ah bah oui, en même temps. Donc on va dire les phrases magiques, que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà, on est toujours on termine toujours avec un message d'espoir dans l'émission Mavrica, parce qu'on aimerait que le monde qu'on va laisser soit meilleur que celui qu'on a trouvé. Mmh. Malheureusement, je crois qu'on est dans le mauvais sens. On est mal barré, mais bon, on aura essayé. Hein. Il y a certaines personnes qui ont fait n'importe quoi, mais il y a des gens qui ont. L'histoire n'est pas écrite encore. Voilà, l'histoire n'est pas écrite. Tout n'est pas fini, mais bon. Ouais. Tout n'est pas fini. Il peut y avoir un rebondissement, et c'est ce qu'on espère dans les prochaines années. Il peut y avoir aussi un quatrième album des Twisters. Ça j'espère bien. Très bien, donc on arrive à la fin de cette émission. Merci en tout cas d'être venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors n'oubliez pas, il y a l'émission, on va rendre l'antenne, nous derrière, on va continuer à discuter un petit peu, prendre les photos pour créer un superbe album, donc ça sera déjà le deuxième. Et il y a certains groupes qui en ont plusieurs, et il y en a certains qui ont une différence de plusieurs années, donc ça nous permet de voir l'évolution. Et puis il y a aussi des groupes qui viennent avec des membres qui ont changé, etc. Donc l'histoire du rock'n'roll s'écrit ici, et je vous donne un petit rencard tout simple, c'est vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrica, il y a photo et dans les photos il y a album, et là vous avez un album par émission, donc si on cherche bien on va retrouver les photos de la précédente émission. Ah oui. Voilà, donc il y en a beaucoup, il n'y a pas les toutes premières parce que le Facebook a été fait qu'après, mais il y a quand même beaucoup de bonnes émissions dans lesquelles vous pouvez retrouver plein d'artistes qui sont venus. Il y a du beau monde, ouais. C'est vrai que moi je regarde, moi des fois je suis fier de rencontrer plein de bonnes personnes, comme ce soir, on passe un beau moment. Pourquoi ? Parce qu'on a la même passion, on aime la musique, vous faites de la même bonne musique, et moi j'aime bien justement partager cette musique-là. Donc, voilà. En tout cas, merci à toi. Il y a aussi un petit truc qui va être très drôle. Je vais arrêter la petite musique de fond. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre autre chose. Alors, je suis tombé dessus tout à l'heure par hasard. On va essayer de voir ça. Voilà. Donc, je prends des risques parce que je fais ça en direct sur Internet. Et on va écouter le jingle qui a été enregistré la semaine dernière. Normalement. Ah, bah oui. Et chez les Cajuns, on dit « Lâche pas la patate ». Passer au début, voilà. Keep on rocking, baby, keep on rock and roll. Et chez les Cajuns, on dit lâche pas la patate. Voilà, c'était notre ami Peter Crazy Cash qui était notre invité la semaine dernière. Ah, je connais une autre expression en Cajun aussi, moi. Attends, on va me faire une voix, on va arrêter les fonds, on va récupérer ça, on va récupérer des petits jingles comme ça, et on va les diffuser dans les prochaines émissions. Comment on l'a fait là, on fait tout à l'arrache dans l'émission. Alors, c'est très court, hein, en fait, c'est quand tu rentres dans une pièce et que tu veux dire bonjour aux gens que tu côtoies, tu dis « quoi ça dit ?» Voilà, quoi ça dit, c'est du cajun qui est mélangé avec du créole, forcément. Et voilà, quoi ça dit. Quoi ça dit, voilà. Donc, et c'est vrai qu'une fois à la télévision, j'avais vu justement nos cousins cajuns, hein, parce qu'ils parlent le français, mais pas le même français que nous. C'est un français du XVIIe siècle qui a évolué différemment. Et donc, quand on les entend, on comprend tout. Mais effectivement, ils utilisent des termes qui sont pas du tout les nôtres. Exactement. Donc, c'est ce qui est intéressant dans. Lâche pas la patate. Quoi ça dit ? Lâche pas la patate. Quoi ça dit ? Lâche pas la patate. Voilà, je crois qu'il s'arrête plus le truc. Et ça y est, il est parti. Ça peut se combiner les deux. Ça peut se combiner. D'ailleurs, les jingles que je passe en début d'émission, il y a plein de morceaux d'émission dedans avec plusieurs artistes différents. Et souvent, les artistes, des fois, ils reviennent et ils écoutent. Ah bah c'était nous qui avions enregistré ça il y a quelques années avant. Donc voilà, on essaie de récupérer plein de trucs comme ça. c'est très sympa en tout cas. Voilà. Voilà, cette émission se termine. Donc, on va finir avec la version de l'album de Some Kind of Music, le morceau que vous avez interprété tout à l'heure. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Alex Le Bail. Donc, monsieur Alex qui vient régulièrement. Et à chaque fois, il nous fait des surprises parce qu'il nous fait découvrir d'autres artistes. Et des fois, on a aussi des interviews par téléphone, etc. Et c'est toujours un plaisir. Et en plus, il y aura du live, puisqu'avec Alex, il y a toujours du live. Voilà, vous le connaissez, non, Alex Le Bail? Bah, ce sera l'occasion, justement, de le découvrir. Bah ouais, on va écouter ça. C'est une personne super agréable, et puis qui a beaucoup très attachante, et qui a beaucoup de talent. En tout cas, merci beaucoup, donc, d'être venu, les Twister Cover. Merci à toi. À très bientôt en concert, ou alors, dès que vous voulez, vous revenez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour vous nous présenter l'album Quattro. Dès qu'on a de l'info, de contact. Ouais, il n'y a pas de souci. Et puis moi, c'est pareil, c'est quand je ferai vos concerts, je les partagerai aussi dans l'émission si je suis averti à temps et tout ça, de manière à faire venir le monde dans les concerts. C'est ça. Et que les salles ne soient pas vides. Ça, c'est, voilà, ça, c'est la hantise aussi de tous les artistes, c'est de voir les salles vides. Ouais. Et quand elles sont pleines, bah, on est content. C'est le bonheur, quoi. Voilà, cette émission est terminée. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de l'émission Mavrika. Donc, on vous souhaite dès maintenant une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne semaine. Et rendez-vous à partir de 19h pour l'émission numéro 665 de Mavrika. Ça approche. Voilà, ça s'approche. Donc, j'ai toujours personne pour 666. Il faut que je les recompte. Ben, c'est 666, c'est du diable. Hein. Voilà, c'est pour ça. C'était des groupes de métal qui voulaient un ça. Groupe de métal. Ouais, voilà. Mais là, ça sera pas le cas, je crois. Mais bon. Et après, je voulais aussi remercier tous les gens qui me contactent sur Internet. Donc, pour le programme, il faut savoir que j'ai une liste d'attente qui est incroyable. Donc, j'ai du monde jusqu'au mois de mars qui est à peu près calé. Et après, donc, des personnes en liste d'attente, si jamais il y a un désistement, je les cale, etc. Et rien que cette semaine, j'ai dû en avoir trois. Donc, si j'en ai trois par semaine, alors que je fais qu'une seule émission, bah, forcément, ça s'accumule. Mais vous inquiétez pas, on reste en contact et puis, je vous inviterai dès qu'on aura l'occasion. Voilà, cette émission est terminée. À très bientôt. On termine donc avec le dernier morceau de l'album numéro 3 de Twister Cover, Some Kind of Music. Voilà. remember I was just a little boy finding out a brand new world. I can remember first call of that song. No time for my singing along. Music, some kind of love, my home kind of music, just make me strong. Some kind of music, some kind of love, my home kind of music, just make me strong. Make me strong. This is my town, stranger. Things here get done my way. Clear. Arc-en-ciel 96.2 MHz en FM sur la région orléanaise et sur www.radio-arc-en-ciel.com. Equipe voleibol masculino, Clube K 0, Sporting 0. Nesta altura vence no primeiro set a equipa leonina por 11-8. Estamos naturalmente no